Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Salut. Et je suis aussi avec Exerve. Hello. On se retrouve pour un nouvel épisode, merci de nous écouter, merci aussi de nous rejoindre sur notre page Patreon. Et oui, car vous le savez, c'est grâce à vous que cette émission existe, enfin en tout cas, grâce aux gens qui nous aident sur Patreon, peut-être pas à vous directement si vous ne nous aidez pas, si vous êtes ce genre de personne. Le mec est direct dans l'accusation. Tu vois, aux gens, franchement, vous êtes pas très sympa. Hein, alors qu'en voilà, fait, si le message qu'on voulait faire passer, c'est merci parce que là, ça a explosé le Patreon depuis une semaine et demie que le Patreon maintenant c'est dispo en euros. Exactement. Vous pouvez nous donner directement en euros. Il n'y a plus de frais de conversion. On ne nourrit plus les petits banquiers des Caraïbes et des Caïmans. Exactement. Directement, vous nous donnez les sous à nous. Et il y a plein de gens qui se sont dit, bah, du coup, on va vous donner un peu plus. Et ça, bah, ça c'est le bon geste. C'est le bon geste, c'est le bon geste, exactement, comme les gestes barrières, bah voilà, c'est donné au Patreon en euros, c'est le bon geste, donc alors voilà, merci quand même beaucoup, parce que bah, c'est vraiment vous qui faites vivre l'émission, qui nous permettent de la faire sereinement, de créer tout ce contenu, de pouvoir se projeter, donc merci énormément à vous. On remercie également Sœur d'édition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Mais pas que, puisqu'aujourd'hui on parle d'un livre dont Maxime va nous donner le nom maintenant. Voyager au Japon, du pixel au réel. Un livre de Gaël Berton. Alors, c'est un livre un peu particulier. Chez Sœur, d'habitude, ils font des sagas, parfois ils parlent de pop culture. Mais là, ils ont fait un truc un peu mélange, puisque c'est un livre qui est à la croisée des chemins entre, c'est un, beau, guide, ça. Oui, ouais. Entre un guide touristique, mais aussi comment bah, le jeu vidéo, en fait, s'est réapproprié des inspirations japonaises, des trucs comme ça. C'est un petit peu ça, Maxime, si j'ai bien compris. Bah, c'est un petit guide, alors je réponds. Ouais, parce que je voyais Maxime qui t'a regardé avec des yeux du genre, qu'est-ce que tu fais ? J'ai haussé un petit sourcil. Genre, qu'est-ce que je vais dire ? Et donc, ouais, c'est plutôt une espèce de guide touristique, mais anglais, jeux vidéo, c'est l'idée de vous dire bah, quand vous aurez le droit de retourner au Japon, hein, un jour ou l'autre, ça sera possible. Vous pourrez en fait vous dire, bah, tiens, plutôt que d'aller visiter tel ou tel endroit, je vais y aller parce qu'il y a eu un studio, parce qu'il y avait une salle d'arcade qui était connue, parce qu'il y avait, je sais pas, tel personnage du jeu vidéo, tel jeu qui s'est tourné là, tu vois, un quartier qu'on a dans Yakuza, dans Persona ou, ouais, ou quelque chose. Donc voilà, je trouvais l'angle assez intéressant. Le timing, malheureusement. Bah, si, c'est peut-être le bon moment justement, ouais, pour prendre le livre. Mais ça donne envie de voyager. Voilà, voilà, on ne peut ça, pas y aller, sûr, donc vous prenez le livre, voilà, ça remplace. Ça coûte moins cher que d'aller au Japon. C'est moi, vrai. J'avais regardé un petit peu les prix, je crois que c'est pas tout à fait pareil. C'est pas 30 euros, hein, je crois que c'est. Non, et puis tu prends l'XP en jouant au jeu, du coup, pour mieux les comprendre avant d'aller au Japon. Incroyable, voilà, évidemment. Voilà. Bah, non, mais là, voilà, là, t'as un niveau de recherche pour faire du fin du game qui serait vraiment top. Préparez-vous pour les prochaines émissions. Est-ce qu'on ferait pas ça, nous aussi, tiens. Moi aussi, tiens, le palier du Patreon. Venez au Patreon, voilà. On va faire un nouveau palier. Vous envoyez fin du game. Fin du game, on envoie fin du game on au fait Japon. La saga Assassin's Creed depuis les pays. Franchement, on peut faire un. Mais il n'y a pas eu Assassin's Creed au Japon. Non, ça, non, mais on, voilà, on trouve un concept, tu vois. Mais non. Non, non, il n'y a pas eu un spin-off en 2D. Ah, c'était la Chine, ouais, tout à fait. Non, autant pour moi. Autant pour moi. Aujourd'hui, pas du tout au Japon. Aujourd'hui, on part sur les dino-robots, sur les animutants. Je tiens à placer la petite ref. Ceux qui étaient enfants dans les années 90 se reconnaîtront et je les salue, bien sûr. Et puis ceux qui étaient nés avant, bah voilà, peut-être que vous ne connaissiez pas tout ça. Mais bref, aujourd'hui, c'est Horizon Zero Dawn. C'est Benoît, je crois, qui nous a choisi un petit générique. Bah, de toute façon, c'est un peu le thème d'Aloy, hein, c'est un peu la musique phare, on va dire, référence du jeu, parce que bah, la musique, en réalité, on aura peut-être l'occasion d'en reparler viteuf, elle est là plus pour accompagner, mais il y a ce morceau-là, évidemment, que tout le monde, je pense, a retenu. Et du coup, bah, je vais laisser Maxime lancer ses petites platines. On fait croire qu'il se passe des trucs de fou. On a tout un studio, des gens qui gèrent et tout, alors qu'en fait, on est trois clodos avec des câbles USB. Il y a un lien YouTube. Hein, dans le... c'est ça, dans le doc, il y a le... c'est la musique qu'il faut mettre, s'il te plaît. Voilà, vous êtes. On quitte les coulisses et on est parti pour un nouvel épisode de Fin du Game. Thank you. Horizon Zero Dawn. C'est sorti le 28 février 2017, et je le dis avec l'accent anglais une fois pour dire Horizon, comme un gros dégueulasse après. C'est sorti aussi sur PC depuis peu cet été, alors j'ai pas la date précise, mais voilà, c'est sorti sur PC. C'est le dernier jeu pour l'instant de Guerrilla Games, un studio qui était notamment connu pour la série Killzone. Oui, bah du coup Guerrilla, donc c'est un studio hollandais, c'est vrai que ça c'est assez rare pour le signaler. J'étais d'ailleurs passé devant quand j'étais allé à Amsterdam, effectivement, voilà, j'avais fait une petite en bateau, là, on pouvait visiter un peu comme ça. Tout et ce voilà. réservoir d'anecdotes là que tu ne dévoiles pas quand tu dis je vais à Amsterdam. Non, alors justement, pas du tout. Et du coup, j'ai dit à ma meuf, regarde, c'est Guerrilla. Elle a fait, ouais, ok, je sais pas ce que c'est, merci. Bon, bah, bref, voilà. Donc, ils sont donc hollandais, et ça n'intéresse pas la compagne d'Hugo. Mais, du coup, eux, en fait, on les connaît vraiment pour la série des Killzone. C'est un studio qui est en fait la fusion de différents studios qui existaient dans les années 90. Ils faisaient des jeux sur Game Boy. Ils se sont assemblés. Le nom Guerrilla, il est apparu qu'en 2004. Le personnage dont le nom vous pouvez éventuellement, enfin vous pouvez le noter dans vos petits calepins, c'est Hermann Hulst, qui était le managing director de Guerrilla depuis les années 2000, et qui n'a quitté ses fonctions qu'il y a 2 ans maintenant, un ou deux ans, pour devenir le nouveau patron de Sony, ce qu'on appelle désormais Sony Studio. Hein, il a remplacé Shuhei Yoshida, qui s'occupe désormais des jeux indépendants chez Sony. C'est un peu sa petite marotte depuis quelques années. Mais donc, entre-temps, bah, Guerrilla, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont donc fait cette série Killzone, qui était une série de FPS qui a vraiment été associée à la marque PlayStation, qui a voulu, je pense, à l'époque, répondre à Halo, du côté de chez Microsoft. Et le FPS était en train d'arriver sur console. De chez Sony. Halo chez Microsoft. Chez Sony. Halo en 2001 et Killzone qui arrive donc 3 2004, ans après. 2005. Ouais, en 2004. Ouais. Donc, et c'est à ce moment-là en fait que PlayStation va racheter directement Guerrilla pour en faire un studio ce qu'on appelle First Party. Et depuis 2005, bah, ça se passe très bien. Ils ont fait Killzone 1, Killzone 2, Killzone 3, Killzone Shadowfall qui est sorti donc le même jour que la PlayStation 4. Il y a eu un épisode sur PSP, je crois, qui a été développé par Ben. Je suis pas très sûr là-dessus. Et un jour ou l'autre, ils se sont dit. On en a marre. Bah alors juste avant, parce qu'on doit respecter le conducteur. Le conducteur, oui, pardon. Effectivement. Alors juste avant, revenir un tout petit peu sur Killzone. Ce qui était intéressant quand même avec cette série, enfin moi je l'ai surtout connu avec le 2, le 1 j'y avais pas joué, j'ai joué après aux autres épisodes, mais le 2 c'est vrai que c'était vraiment un FPS qui était pensé pour de la console, c'est-à-dire que c'était un FPS qui était très lourd, très rugueux, très sombre comme ça, hein. Il y avait vraiment un gameplay très d'ailleurs très travaillé sur les animations, ne serait-ce que des armes et tu sais, de la manipulation, parce que dans un FPS tu vois juste les mains, et ça c'était très très accentué sur le jeu parce que voilà, c'était vraiment pensé pour de la console et surtout bah, il n'y avait pas cette nécessité de viser comme on va pouvoir la retrouver dans un FPS bah, sur PC où tu as besoin de la souris pour pouvoir viser très précisément. Là, c'était beaucoup plus lourd, beaucoup plus lent et tout le jeu en fait était pensé autour de ça, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un petit peu des systèmes de couverture et toute la dynamique du jeu se passait en fait en gain de territoire, donc tu devais vraiment faire beaucoup de dégâts dans une petite zone face à toi et ensuite tu avançais, tu grappillais comme ça du territoire. Ouais, c'est ça, il y avait des arènes assez petites qui faisaient que bah, comme tu étais suffisamment proche des adversaires, ouais, tu avais pas besoin d'avoir un niveau de visée extrêmement tu vois précis et on n'est pas non plus dans l'exigence d'un counter où il fallait absolument, tu vois, aligner la tête du type à 3 rues de là. Ouais, et puis c'était des grosses sacs à PV, hein, et je me souviens qu'il fallait vraiment. Oui, bah, c'était des grosses mitraillettes, ouais, voilà, tu vois, on tirait dans les Hellgast et puis il fallait vider tout ça. C'était du bulle comme ça, très scrogneux comme jeu. C'était vraiment, voilà, c'était quand même la bonne violence hein, des années. Ouais, des tu sens cette époque effectivement où en plus, bon, au niveau de l'univers, les Hellgast ils étaient à peine inspirés, tu vois, des nazis, donc il y a un côté un peu une espèce d'armure SS, donc de loin on pourrait croire que c'était un cousin SF de Wolfenstein. Ouais, tout à fait. Bah c'est vrai que c'était un univers très particulier. Je pense qu'après avoir travaillé pendant toutes ces années sur la série Killzone, moi en fait j'ai une petite théorie. Voilà, attention. La petite théorie c'est que bah, pourquoi ils ont un peu arrêté Killzone, il y a eu plusieurs choses. Je pense qu'ils en avaient marre. Ça, ils l'ont dit à plusieurs reprises dans des documentaires, des interviews. Ils avaient envie de changement, ils avaient envie de couleur, de licorne. Ça on peut les comprendre. Mais je pense également que PlayStation en fait, ça faisait maintenant quelques années que depuis la PS3, ils avaient repris en fait la main sur un gros deal avec Call of Duty et Activision. Et à l'époque, enfin je sais pas si vous vous souvenez des années 2000, Call of Duty, c'était un peu le truc, tu vois, c'était l'alpha et l'oméga 2000-2010. Oui, voilà, 2000-2010, enfin en tout cas, il y avait voilà, fin la transition, 2000, là, il y avait que ça, c'est-à-dire que tous les ans, on avait le Call of, on avait éventuellement un Battlefield ou un Medal of Honor en face, mais en gros, il y avait le Call of, et PlayStation, en fait, ils avaient des exclus temporaires sur des contenus supplémentaires, des maps, du mode zombie, des conneries comme ça, et je pense que, bah, quelque part, Killzone, c'est pas que ça faisait de l'ombre, mais ça faisait un peu doublon, et tu vois, plutôt que de faire double emploi, je pense que Sony, à l'aune de l'arrivée de la PS4, ils se sont dit, bah, on va vous laisser laissé l'opportunité de faire autre chose. Et donc, chez Guerrilla, ils ont lancé un gros brainstorming. C'est ça, ouais. En fait, ils ont demandé à tout le studio, parce que, bon, en fait, c'est vraiment à l'exécutif hein, qu'ils avaient déjà envie de changement, hein, donc les directeurs et directrices aussi du studio qui avaient envie de changement. Et ils ont demandé, du coup, à tout le studio, bah, sur quoi vous voulez bosser, donnez-nous des idées. Donc, il y a eu énormément d'idées qui sont arrivées comme ça au Mana Blanche. Ils les ont toutes étudiées. Ils en ont retenu vraiment deux, dont une qui sera Horizon, et puis une autre qui était un peu plus proche de ce qu'ils faisaient avec Killzone, en fait, qui s'appelait, apparemment, on a déjà le nom du projet, ça s'appelait Dark Science, hein, c'est le nom du projet, et c'était un espèce de truc avec des zombies, FPS, linéaire, donc beaucoup plus dans leur ADN. Très original. Ouais, très très original, c'est vrai que des zombies comme ça, là, pas mal, hein, ils étaient vraiment sur le avec bon filon. Avec un mot Dark, tu vois, en plus, ouais, dans les titres, et tout, en année 2010, et des brouettes, c'est très... Ça marche ça me dit bien. Quelque chose. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ils sont allés à un E3, je crois que c'était pour présenter justement Killzone Shadowfall, parce que Shadowfall, lui, il est sorti en 2013, et c'est en 2011 qu'ils ont commencé un peu à brainstormer. Et en fait, ils ont fait une réunion avec les autres studios PlayStation Studios, hein, donc SIE, Worldwide Studios, et notamment Naughty Dog, Media Molecule et Santa Monica. Et en fait, bah, ils ont fait une réunion, ils ont pitché les deux jeux, Guerrilla, et les retours des autres studios, c'était bah, Horizon, ça a l'air vraiment cool. Mais par contre, en fait, bah, ça va être chaud parce que vous savez pas faire ça. Donc, il vaudrait peut-être mieux travailler sur Dark Science. Et en fait, du coup, bah, juste après, ils reviennent de Los Angeles, retour à Amsterdam, et ils présentent tous les deux projets en fait au studio. C'est assez marrant d'ailleurs de se dire que l'exécutif monte d'abord les projets à d'autres studios extérieurs, enfin à d'autres top managers des autres studios, plutôt qu'aux studios en interne. Mais bon, c'est comme ça un petit peu que ça marche. Et en fait, tout le monde donne exactement la même réponse dans le studio. C'est oui, ce qu'on serait mieux faire, ce serait Dark Science, mais ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment Horizon. C'est vraiment changer, faire quelque chose de différent. Et du coup, bah, ils ont quand même réussi à avoir le soutien de Sony, qui leur dit, bon bah ok, effectivement, c'est peut-être pas dans vos cordes, ça va être un gros challenge de changer vraiment à la fois d'esthétique mais aussi de bah, vraiment de formule hein, parce que c'était vraiment dès le début parti pour ne pas être un FPS linéaire mais plutôt quelque chose en open world et du coup bah, ils ont quand même eu le soutien pour pouvoir se lancer dans ce truc là. Et d'ailleurs si vous êtes un peu curieux ou curieuse vous pouvez aller sur YouTube, il y a tout un tas d'historiques en fait qui ont été diffusés d'évolution des différents prototypes et des différentes versions d'Horizon qu'ils ont montré, notamment un proto qui fait très Killzone qui est très très cool à regarder, donc c'est la première fois qu'ils testent ouais. La vue en TPS contre un dino robot, enfin un dino Duplo d'ailleurs, hein, ouais, parce qu'il est fait en Duplo, Duplo vraiment en gros vraiment Lego. Des briques dégueulasses avec des gros pièces de Tetris rouges en guise d'armes. Et ça, je trouve ça top parce que si vous avez jamais vu de jeu, ouais. quand ils vous disent pré-alpha gameplay dans les trailers ouais, E3, ouais. C'est du bullshit. C'est à ça que ça ressemble un jeu en pré-alpha. Ouais, parce que du coup, c'est vraiment un proto où ils essayaient, hein, c'est du proof of concept comme on dit, où ils voulaient tester le gameplay et on voit une espèce de soldat façon Killzone. C'est un soldat de Killzone avec ouais, une grosse mitraillette qui tire comme ça sur le dino. Dans un monde dégueulasse contre un Lego Duplo. Oui, bah, il y a un sol vert et il y a 2-3 briques au fond pour dire c'est des montagnes. Quoi, voilà. De toute façon, c'est vraiment retrouvable. Hein. Vous tapez Horizon Prototype 2011, vous le trouverez facilement sur YouTube. Allez vraiment jeter un oeil. Et comme tu le dis, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on se dit, en fait, c'est de là que ça part les jeux. C'est une espèce de bidouillage. On reprend des assets ici, on bricole un truc et on voit si ça marche. Et effectivement, il y avait déjà ce délire... qui est de, bah, il y avait déjà plusieurs joueurs hein, qui pouvaient se... Enfin, il y avait déjà, dans Horizon, ce sera solo, mais à la base, il y avait plusieurs joueurs comme ça. Oui, parce que c'est un jeu pensé pour la coop au départ, ça, il faut exactement, le dire. Exactement, qui commence à tirer sur des parties, en fait, d'un gros T-Rex, enfin, ce qu'on devine être un T-Rex en Duplo, et en fait, bah, il y a une des parties qui s'envole comme ça, et le personnage va marcher sur la partie, et il récupère bah, une nouvelle arme, cette fois, c'est un lance-roquette, et il peut quand même, du coup, tirer avec le lance-roquette sur le T-Rex, et ça, c'est vraiment bah, la base de ce et c'est comme ça, en fait, qu'on crée des jeux. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un truc, je trouve ça génial qu'il le montre, ouais. Parce que ça permet vraiment aux gens de découvrir que, en fait, quand ils font des prototypes de gameplay, ils testent une idée de design, ils testent une idée de gameplay, ils testent, voilà ce que vous allez pouvoir faire. C'est vraiment la promesse, hein, c'est vraiment du potentiel qu'ils ouais. essayent de montrer en disant, tu vas tirer sur un truc, tu vas le ramasser et tu vas pouvoir tuer le dino avec. Et donc, ça donne plein d'idées. Et c'est ça qu'ils vont montrer. C'est-à-dire qu'ils viennent avec ce genre de petites vidéos et ils vont les montrer aux gens de chez Sony en disant, et là, dans 6 ans, il y aura un jeu à la place, vous voyez. Ouais, et donc, forcément, c'est un jeu de, il faut se projeter. Mais le truc, et ça, j'insiste là-dessus, les gens qui font ces prototypes-là n'ont aucune foutre idée de quoi ressemblera. Vous voyez, le design d'Aloy, il a mis des années à être vraiment coulé dans le marbre. Donc en fait, ils n'ont aucune idée de ce que ça va être tout l'univers, ils sont en train de le réfléchir. Bref, quand ils en sont à ce stade-là, ils ne savent pas à quoi ça va ressembler. Donc c'est vraiment un truc itératif où ils font au fur et à mesure, et ça, faut jamais l'oublier quand on critique les jeux ou quand on les juge une fois qu'ils sont sortis, parce que quand on sait ça, je trouve qu'on comprend mieux l'évolution et comment on en arrive à avoir des trucs qui ont été cut, des trucs qui n'ont pas été gardés, etc. Et finalement, tu vois que même une des idées principales qui était que l'arme va tomber, tu vas la récupérer, elle est présente de raison, mais c'est presque anecdotique, c'est pas un concept cœur du jeu. C'est resté assez léger, alors on peut le faire sur certains dinos, mais c'est pas quelque chose effectivement qui va être clé dans tous les combats. Et c'est sans parler de la coop. Oui, sans parler de la coop qui sera elle aussi cut, parce que on peut l'imaginer assez facilement, tu vois, en créer un jeu multijoueur où on peut venir en coop, bon, faire vraiment, alors c'est un nom que vous allez beaucoup entendre pendant cette vidéo, faire du Monster Hunter, clairement, je pense que c'est une des pistes qu'ils pouvaient envisager, mais ça demande plein de systèmes en fait et de justifier des choses pour que tu puisses faire du multijoueur qui sont compliquées. Et même en termes de narratif, tu vois, c'est très complexe parce que ça veut dire qu'il faut que tu crées une histoire. Hein, on le rappelle, une excellente vidéo sur les lignes éditoriales de Sony chez Game Next Door. Tu es plutôt dans une tranche de joueurs adultes. Tu veux proposer une histoire, un univers, etc. En plus, c'est une nouvelle franchise. Et là, en plus, il faut que tu expliques que tu peux jouer à 2, 3 ou 4 et que tu joues une équipe, en gros. Hein, c'est très compliqué en termes narratifs. On rappelle que Journey à la base devait être que en coop et finalement, c'est Sony qui a fait pression pour que le jeu soit jouable seulement aussi, en solo. Tu vois, la coop, c'est une option en fait, parce qu'il y a quand même cette volonté c'est que leur positionnement, c'est de dire voilà, il faut quand même que les gens ils puissent jouer. Oui, tout parce seul, que ça voudrait dire que tous les gens doivent avoir l'abonnement au PS Plus. Et aussi, ce qui est pas le cas. Potes pour jouer. Ouais, exactement. Ouais. Personne toute seule. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de choses qui vont aussi prendre du temps à arriver. Même les fameux dinos, au début, ils vont pas arriver tout de suite. Au début, ils partent sur des, ils imaginent en fait des robots vraiment militaires, tels qu'on pouvait les voir déjà dans Killzone. Moi, je me souviens d'un des boss comme ça, du deuxième, où justement on affrontait un truc qui volait un peu dans tous les sens, qui avait déjà pas un comportement animalique, mais qui se déplaçait un peu comme une espèce d'abeille, on va dire, et on l'affrontait comme ça, et c'est là-dessus qu'ils sont partis. Mais ça marchait pas, ça leur donnait pas vraiment cet univers, et ensuite ils se disent, pourquoi pas, ce qu'on va faire, c'est un monde post-apo, où on revient à un moment où l'homme n'est plus au sommet de la chaîne alimentaire, on revient à un monde où, il est régi par des bestioles, mais comme il faut des bestioles bien vénères, on va les faire en métal, et du coup, c'est là que sont venus les premiers robots dino. Je crois que les deux premiers concepts, c'est d'abord le Watcher, donc l'espèce de petit raptor là où il faut s'infiltrer au début, c'est un des premiers qu'on rencontre. Et l'autre, c'est le Maxi T-Rex qui est vraiment sur lequel ils ont vraiment dû bosser pour prouver vraiment à Sony, pour dire voilà, c'est, si on arrive à faire ça, si on arrive à faire ce truc vraiment bien avec ce T-Rex, ça veut dire qu'on pourra faire d'autres créatures. C'était vraiment la preuve qu'ils avaient toute la mécanique sur une de ces grosses bestioles, qui a pris d'ailleurs un temps monstre d'animation. Enfin, je sais qu'il y a des gens chez Guerrilla, en fait, pendant 4 ans, ils ont bossé que sur le T-Rex. Tu vois, ils ont fait que ça, sans compter tous les prestataires externes dans d'autres studios qui ont amené de l'animation. Oui, j'avais lu une interview d'un gars qui rappelle que juste chez Guerrilla, ils étaient 100 dans le département artistique et tu rajoutes une bonne centaine chez les prestataires. Donc sachant que c'est un studio où en 2019 ils annonçaient qu'ils avaient à peu près 400 employés chez Guerrilla. Donc vous voyez, il y a un quart de l'équipe qui était consacrée uniquement à la partie artistique, plus tous les prestataires externes, parce qu'effectivement tout ce qui est animation, les visuels, les textures, etc., ça demande énormément de boulot. Mais bon, le résultat est là. Je pense qu'on peut arriver au moment où le jeu il sort. Il est annoncé donc en 2015 avec une première démo trailer. Il était annoncé pour 2016, ça c'est Max qui nous l'a appris. Le jeu a été décalé. Et finalement il a été reporté donc début 2017 du coup le jeu sort avec quand même un gros succès critique. C'est vrai que ça marche vraiment bien pour le jeu. Il est très attendu parce que encore une fois, tu vois, chez Sony, on le racontera, mais c'était aussi une intention de pouvoir donner à Sony un open world, tu vois, vraiment un jeu de cette typologie-là qui règne un petit peu en maître sur le AAA pendant les années 2010. Et du coup, c'est vrai que en plus, avec les robots dino qui étaient vraiment l'argument de vente du jeu, moi je me souviens, effectivement... Il y a vraiment plein de gros bullet points, parce que t'as les robots dino, t'as cet univers post-apo qu'on n'avait jamais vu encore. D'habitude, on voit plutôt du... C'est plus zombie, Days Gone, Last of Us, etc. T'as un personnage féminin, tu vois. Ouais. Effectivement, oui, Max, c'est du post-apo. Attention. C'est important. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant de le noter que le personnage de féminin d'Aloy, eux, ils se sont jamais posé la question. En fait, dès le début, ils se sont dit, ce sera une meuf, tu vois. Parce que, encore une fois, c'est vrai que la culture, peut-être en Hollande et Amsterdam, elle est peut-être un peu plus progressiste, on va dire, que peuvent l'être des studios japonais un peu plus conservateurs ou j'en sais rien en Amérique. Et c'est vrai que même au début, Sony a un peu questionné, genre, vous êtes sûr que ça va être une meuf? 9, on est obligé, pourquoi défendez le choix. Il y a quelqu'un chez Sony qui parle comme ça, hein, oui, oui, avec oui, cette oui. voix un peu aiguë comme ça. Les gars, vous êtes vraiment sûr qu'on fait une meuf là? Vraiment, je le cite, c'est Jean-Michel. Jean-Michel Réac. Sexiste, tu vois, c'est il est top management chez Sony. Mais bref, ils ont dû quand même, au final, ils sont allés sur Aloy, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une des figures, c'est devenu une figure de... du jeu, même si d'ailleurs elle a aussi évolué pas mal pendant le développement. Il raconte qu'au début elle était déjà plus jeune, et puis surtout aussi elle était beaucoup plus un peu princesse parfaite, tu vois, la petite qui fait vraiment tout bien correctement, très, très princesse Miss Perfect un petit peu. Et au final ils se sont dit, oh, mais ça marche pas trop pendant les playtests, parce que bah, pourquoi la Miss Princesse elle défoncerait des maxi robots? Et du coup ils l'ont fait à la fois plus adulte, plus endurcie, plus aguerrie, avec un autre caractère un peu plus, alors je dirais pas plus fort parce qu'on peut être princesse parfaite et avoir un caractère fort, mais en tout cas plus un peu plus cynique, bah, elle remet un peu plus rentre dedans, voilà, elle se laisse pas faire. Aloy en même temps, bah on le redira dans l'histoire, mais elle a grandi à l'écart de toute la société, elle a dû apprendre à se démerder toute seule avec son papa adoptif, donc voilà, il faut pas l'emmerder. Ouais, il faut pas l'emmerder, elle remet un peu tout le monde à sa place ouais. En même temps elle est un peu costaud, hein, puisque elle peut défoncer des maxi dinos. Et ouais, le jeu sort, gros succès sur Metacritic. Est-ce qu'on a le Metacritic, Maxime? 89, c'est en dessous de 90. Aïe, malheureusement, je ne serai pas retenu. Bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Voilà, donnez au Patreon. jeu de merde. Non, jeu qui... Et puis surtout, en fait, moi, je trouve Horizon, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on en parle aujourd'hui, c'est un jeu qui a eu un capital sympathique, qui n'a cessé de grandir avec le temps, et maintenant encore plus qu'il est arrivé sur PC. Il y a eu le DLC ensuite qui est sorti après, qui a aussi très très bien fonctionné. C'est un jeu qui s'est vraiment installé comme ça tout au long de son existence. En plus, moi, je suis l'exemple vivant, puisque du coup j'ai refait le jeu. L'exemple vivant. Oui, bien sûr. Vivant, la légende. Mais non, je suis un exemple. Voilà. Je suis un exemple de ces personnes qui ont découvert le jeu sur le tard, parce que j'y avais joué donc en 2017. Tout est sur YouTube, hein, vous pouvez aller regarder tout ça. Et... Pourquoi c'est pas très bien Pourquoi j'ai pas, ouais, pas pourquoi trop accroché j'ai pas trop accroché. Moi aussi, tu vois, tout le monde pense cette voix maintenant. Mais, et en fait, tout simplement, parce qu'il faut rappeler que 15 jours après la sortie d'Horizon, il y avait un petit jeu qui s'appelait Zelda Breath of the Alors, Wild. Alors c'est pas 15 jours, c'est 4, hein, vraiment. C'est même 4 jours. Ah ouais, c'est à ce point-là. Moi je pensais que 3 mars. Ah ouais, c'est vraiment violent. Voilà. Oui, donc voilà. Bon, il y a Zelda qui a un tout petit peu fait avancer la recette de l'open world. On en a parlé dans cette émission, je vous renvoie à l'épisode consacré, car oui, vous pouvez écouter tous les épisodes de Fin du Game, c'est possible. Et c'est vrai que ben, la comparaison, à l'époque, elle tombait sous le sens. On avait vraiment deux mondes ouverts avec des approches totalement différentes. En plus, là, Nintendo, ils ont quand même vraiment changé leur formule. On va pas revenir là-dessus, hein, sinon on va en parler pendant 2 heures. Et Horizon avait une approche peut-être un peu plus classique, avec une structure beaucoup plus proche des Assassin's Creed, etc. Et c'est vrai que le jeu m'est plus rapidement tombé des mains. Et je l'ai relancé pendant la préparation, parce qu'on s'est dit, tiens, on pourrait parler d'Horizon Zero Dawn, il sort sur PC, ouais, c'est le bon truc, pour la prépa de Fin du Game. Et en fait, ben, j'ai beaucoup plus accroché, peut-être parce que justement, tu vois, cette comparaison, elle était moins présente dans mon esprit. J'ai pris le jeu pour ce qu'il était et j'ai vraiment accroché à l'univers d'une part et surtout au gameplay. Et bon, on va avoir l'occasion d'en parler tout au long de l'émission. Juste pour noter, en fait, avec Nintendo, ce qui est assez amusant, c'est que Nintendo, ils sont à un moment où ils ont besoin absolument d'éclater leur formule, c'est-à-dire vraiment de se renouveler, parce que Zelda, ça fait un moment que c'est un peu toujours la même chose quand même depuis Ocarina of Time. Et là, par contre, voilà, Horizon n'est pas du tout la même. Enfin, tu vois, c'est un premier jeu, c'est vraiment un gros virage pour Guerrilla. Et on va expliquer, je pense, tout au long de cet épisode en quoi ça a été vraiment un enjeu. Donc voilà, c'est deux jeux qui ont été mis en parallèle, mais qui n'étaient pas du tout à la même, au même moment de leur existence. C'est un premier jeu versus voilà, Zelda qui devait se révolutionner. Donc c'est assez marrant. Et aujourd'hui, ça s'est quand même assez estompé. On va pouvoir passer à l'histoire. Mais on ne va pas la raconter comme on la vit dans le jeu, parce que ce serait peut-être pas si intéressant, et surtout que, en fait, tout se dénoue beaucoup à la fin, en fait, on nous donne beaucoup, beaucoup d'informations à la fin, et c'est à ce moment-là que le grand puzzle de ce qu'est l'histoire d'Horizon se déroule devant nous. Du coup, on va l'aborder peut-être de manière un peu plus chronologique, c'est-à-dire que, comme Maxime le précisait, c'est du post-apo. Alors on va d'abord commencer par la partie post-apo, qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'apocalypse, et puis ensuite la partie post-apo. C'est ça, donc déjà la partie apo. La partie apo, donc au milieu du 21e siècle, il y a une entreprise type Apple qui fait des produits manufacturés, technologiques. On avait dit Elon Musk hein, dans le... Ouais, voilà. Pour moi, Ted Faro, c'est vraiment un proto-Elon Musk. Hein, mais l'entreprise voilà, fait des produits grand public, manufacturés, etc. Décide de se diversifier dans les robots militaires, what could go wrong. Et ces robots qui du coup se multiplient eux-mêmes, peuvent absorber la biomasse, la matière organique, leur énergie, pour charger leur batterie. Voilà, bouffer un petit peu la biomasse, même les humains apparemment ils peuvent aller taper Tout ce qui est organique. Il y a un moment tu tombes sur un texte où ils ont une espèce de crise à gérer parce que des gens ont pris une vidéo d'un robot qui bouffe des dauphins, tu vois. Oups. Forcément, c'est pas très bien passé. Oups. Et hashtag ça tourne mal et on ne peut plus les contrôler. Aïe. Et Pharaoh, donc le patron, n'avait pas prévu d'ailleurs de backdoor, un moyen un petit peu de détourner, de hacker les machines ou pas quoi. Pas prévu de bouton off. De kill switch secret ou quoi. Du coup, il fait appel à son ancienne collègue, connaissance, Elisabeth Sobeck, qui avait quitté la boîte quand ils avaient commencé à faire des robots militaires. Hein. Donc, pour faire simple, c'est elle la gentille, c'est lui méchant, le méchant incompétent. Et du coup, il l'appelle pour trouver une solution et elle lui dit c'est mort dans un an à peu près, les robots ils vont aspirer à toute la planète et le temps qu'on trouve en fait, qu'on brute force un code pour justement pouvoir les hacker, on n'aura pas le temps en fait, donc c'est foutu. Du coup, elle lance. Apo est prévu. C'est ça, donc Apo arrive, elle lance le projet Horizon Zero Dawn et qui est donc. C'est sur 10. Donnez sondage. Qui prononce qui a le meilleur accent? Horizon Zero Dawn. Hi. Oh là là. Hi, I'm Mark Brown. Et ça consiste donc à laisser la planète mourir, à accepter que c'est foutu, les robots vont absorber toute matière organique sur la Terre, et en fait on va reboot la Terre, on va enterrer un petit peu des bunkers, des complexes qui vont juste attendre que la planète se meure pendant qu'on cherche le code pour désactiver les robots, et une fois que c'est fait, on va reboot, puisqu'ils construisent donc une intelligence artificielle qu'ils appellent Gaia, qui va chapeauter du coup tous ces différents projets. Ces projet, ça va être restaurer l'atmosphère, la faune, la flore, etc. Et l'humanité, au passage. Et l'humanité, puisqu'il y a aussi effectivement des clones humains qui vont être construits. Et une fois que ces clones humains seront faits, donc chronologiquement, ça va être donc rendre la planète vivable, faire des clones, et ensuite apprendre à ces clones en fait tout ce qui s'est passé, leur transmettre toute la connaissance humaine qu'ils ont réussi à stocker, qui est donc le projet Apollo. Et il y a aussi un autre projet qui est Hades, en fait, parce que chacun de ces projets en fait est dirigé par une sous-IA, on peut dire une espèce de fonction, qui ont chacune un nom de dieu grec. Et il y a Hades qui est important puisque c'est le kill switch qui aurait Gaïa, manqué, voilà, parce que Gaïa, on sait jamais avec tout ce qui peut se passer, peut-être qu'elle va se planter, qu'elle va mal refaire la planète, et Hades son rôle c'est de repérer s'il y a un problème et du coup de tout on arrête tout, on retue tout, et on fait Horizon 0.2 le 2 en fait, lui déjà dans le futur, de tout cramer, de repartir sur des basses scènes. Et voilà, donc, pour l'instant tout se passe bien, l'humanité est morte comme prévu, les robots ont tout eu, les robots militaires ont été désactivés, c'est d'ailleurs qui est fait par une espèce de grande tour en fait, qui a émis ce signal, de ce code pour que tous les robots soient désactivés, on y reviendra un petit peu plus tard. Surtout c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de biomasse, c'est-à-dire c'est qu'en ça, fait, voilà, c'est au bout d'un moment, à force de se reproduire et d'avoir créé, il faut imaginer c'est une ça. Espèce d'image à la Matrix où les robots, il n'y a pompent. Plus... plus les bébés, ils n'en ont plus à pomper. Il n'y a plus de dauphins à bouffer et du coup, en fait, ils s'arrêtent naturellement et c'est pour ça qu'on en retrouve d'ailleurs pas mal de restes dans le jeu plus tard. Mais ils ont quand même été désactivé au cas où. Et par contre, là où tout a mal tourné en fait, c'est que Pharaoh, le gentil, je fais un petit retour en arrière, ce que je l'avais zappé, c'est que quand tous ces complexes ont été enterrés et tout, les IA étaient prêtes, bref, la planète était prête à mourir, Pharaoh il a dit « Ah mais non, en fait, il y a un problème dans ce plan, c'est que la connaissance humaine, c'est ce qui a permis en fait cette catastrophe, cet apocalypse d'être causé. Du coup, moi je vais shut down le projet Apollo, je vais faire en sorte que les clones n'aient pas l'instruction prévue. » pour qu'ils ne reproduissent pas l'erreur du passé. Parce que c'est pas de sa faute, hein, c'est la faute à la connaissance humaine. C'est encore un mec qui veut flinguer l'éducation nationale. Ça. C'est ça. Ah non, mais le moment du reveal de ce truc-là, il est assez poignant dans le jeu. T'es là, genre, mais... Enfin, tu vois, quel connard, quoi. D'un coup, tu te dis, si t'as quelqu'un à détester dans ce jeu, c'est lui. Tu vois, il est mort il y a 3000 ans. Ils l'ont bien fait détestable. On le déteste encore. Ouais, clairement. C'est ça, il devient un peu fou et du coup, voilà, il rejette la faute sur autre chose. Et donc, le projet Horizon Zero Dawn se passe très bien, les clones ont été faits et tout, mais ils n'ont pas accès à la connaissance. Ils ont quand même, c'est pas juste des bébés qui sont nés comme ça, il y avait des androïdes nounous qui pour un petit peu les éduquer, les nourrir, etc. Sauf que... Changer les couches, c'est important. Sauf qu'arrivé à un certain moment, il n'y avait plus de nourriture accessible ou quoi, ils ont été relâchés dans la nature avec une connaissance un peu primaire, un peu basique, entre guillemets. Les androïdes, voilà, n'étaient pas conçus pour leur apprendre non plus comment tout se passait. Et donc ça, c'était donc quelques siècles après la fin de l'humanité. Et une fois que ces humains ont été relâchés dans la nature, il y a 600 ans encore qui s'écoulent, des tribus ont été formées, on a des systèmes un petit peu différents, on a les Nora d'un côté, les Karja de l'autre, et les... Osram. Voilà. Eux, ils aiment la métallurgie. Ouais. C'est ça. c'est un peu les trois grandes tribus qui sont formées. Alors, non, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Du coup, il y a ceux qui sont dans la neige. Enfin, voilà, on s'imagine qu'il y en a plein. En gros, ce qu'ils disent, c'est que quand les humains ont été relâchés dans la nature, il y avait déjà quelques personnalités un peu fortes qui se dégageaient des différents trucs. Et ben, selon comment ils ont voulu se réadapter, ils ont créé des sociétés qui sont inspirées de leur vision du truc. Quoi. Du coup, 6 siècles se sont écoulés, toutes ces sociétés se sont créées. Et un mystérieux signal atteint donc Gaïa, l'intelligence artificielle qui chapeaute toujours un petit peu tout, qui est toujours là. Il y a un signal qui l'atteint et qui rend certaines de ses sous-fonctions plus ou moins conscientes, notamment Hadès et Héphaïstos. Héphaïstos, c'est la fonction qui devait construire les robots. Les robots qui sont donc en forme de dinos, parce qu'on n'a toujours pas parlé. mais c'est ces dinos-là, notamment, qui vont filtrer l'eau, qui vont un petit ils peu vont terraformer, s'occuper, voilà, refaire un petit peu toute la nature. Voilà. En fait, c'est ça qu'ils font. Ils n'ont pas l'air comme ça, mais c'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est les jardiniers, ils enlèvent les petites saloperies des piscines et tout. C'est les paysagistes du monde. Et donc, Héphaïstos, c'est lui qui gère les usines, qui les fabrique. Et il a atteint une petite conscience, et en fait, il a une petite personnalité qui fait qu'il n'aime pas trop que les humains qui étaient là chassent les robots comme ils chassent les humains, et les rend un petit peu plus agressifs. Mais aussi, donc, Hadès, qui du coup décide de prendre contrôle de Gaïa, et on peut imaginer une espèce d'un petit peu de corps. Corruption d'Hadès qui essaie de prendre d'assaut Gaïa, qui en fait se, entre guillemets, suicide et fait péter le bâtiment où elle était. Mais juste avant de faire ça, elle donne naissance à un clone, elle lance la production d'un clone, qui est le clone donc, d'Elisabeth Sobek, on le rappelle, celle qui est à l'origine un petit peu de tout le projet Horizon Zero Dawn. Et ce clone, en fait, ayant l'ADN d'Elisabeth Sobek, sera le seul qui aura les accès à certains bâtiments, notamment celui qui permettra de reconstruire Gaïa. Donc avant de se faire péter, elle replante un petit peu la petite graine pour relancer tout le projet. Hadès n'est pas mort, il est expulsé sur une espèce... il arrive à s'échapper, entre guillemets, sur une espèce d'ordinateur un peu paumé dans son coin, voilà, il est isolé. Et donc, 6 mois plus tard... ce clone naît. Félicitations, bravo. C'est une fille. C'est un beau bébé. C'est une demoiselle. C'est donc Aloy qui est expulsé du coup d'une porte. D'un endroit robotique. Pas d'une femme et du coup la tribu est un petit peu circonspecte. Déstabilisée de voir le bébé qui arrive. En fait, ça naît vraiment dans les cigognes. En fait, cigogne robotique. Le dino robot qui a posé ça et la tribu elle est un petit peu méfiante de la technologie. En fait, c'est une société matriarcale, il y en a 3, je crois, qui dirigent un petit peu tout ça. Il y en a une qui est terrifiée par Aloy, en gros, en mode, voilà, c'est une malédiction ou un mauvais signe du destin. Une autre, c'est exactement l'inverse, c'est un bon signe du destin. Donc, elle est bannie, puisque c'est une tribu qui, assez régulièrement, a l'air de bannir certains membres. Ouais, ils ont des règles ultra strictes. Hein. Les Nora, c'est vraiment une société qui rejette complètement la technologie. Et donc, en gros, ils ont un territoire sacré, les gens n'ont pas le droit d'en sortir. Ils peuvent en sortir que sous certaines conditions, etc. On n'a pas le droit de fouiller les ruines, les machins, les bidules. Bref, il y a tout un tas de règles. Et du coup, la solution qu'ils trouvent, c'est de filer Aloy à Rost, qui est aussi un type qui a été banni. Alors, on l'apprend pour des raisons assez particulières, parce qu'en fait, il est banni bien malgré lui, puisqu'il a sauvé la tribu, mais ses actes ont fait qu'il est banni. Donc, c'est un peu tragique, sa vie. Et donc, c'est Rost qui va l'élever et qui va lui apprendre la chasse, les trucs, les machins. Ça, c'est le moment où le jeu il commence. Oui, jeu commence, en fait, où Aloy est petite fille encore, et du coup, c'est le moment où avec des petites péripéties avec d'autres gamins qui lui disent non, on lui parle pas parce qu'elle sent pas bon, et en fait elle tombe dans un trou et elle retrouve donc son fameux petit focus, ce petit gadget comme ça, qui d'ailleurs j'ai re-regardé la cinématique, elle se le met tout de suite sur le front comme si c'était oui c'est naturel, je vais me mettre sur le front. Il était sur le front du squelette sur lequel elle le trouve. J'étais mauvaise langue, merci Benoît, ils ont fait leur bon boulot game de narration designer. Bien vu, tout oui, à fait. Sûr. Et du coup ce petit tout outil comme ça qui lui fait apparaître beaucoup de choses autour d'elle qui fait apparaître des hologrammes, mais qui lui donne aussi une perception un peu plus accrue de son environnement. Quand elle tient un arc, il y a écrit arc. C'est pratique. Il y a la courbe de visée et tout, c'est vachement pratique. Elle a sa barre de vie en haut. Et alors Rust, à la base, il veut dire non, donne-moi ça, mais elle dit non, non, je fais ce que je veux. Alors, enfin, qui c'est qui commande dans cette maison? Quelle est cette forme d'éducation? Elle lui dit, je veux découvrir qui c'est ma daronne. Et il a dit, eh bah, ok, je vais t'entraîner pour que tu deviennes une brave chez les Nora, pour en fait qu'elle échappe à son statut de banni d'exilé, et d'exclu. Ouais. Exactement. Donc pendant l'enfance d'Aloy, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que Hades, qui était paumé sur son petit ordi, lui, donc sa mission, c'est toujours quand même de buter la planète, hein, pour reboot encore. Et pour ce faire, il émet une espèce de signal en fait à qui l'entendra. Sauf que bon, comme on l'a dit, c'est un peu un modèle tribal. Il n'y a pas un accès aux technologies. Sans compter que certaines tribus s'éloignent de la technologie. Mais c'était sans compter sur Silence, qui lui, au contraire, est très curieux. Bah, très curieux, lui il met la connaissance avant tout, il est gourmand même. Qui est incarné par le commandant qui joue l'acteur dans The Wire. Il joue dans Oz aussi, il a un rôle. Fringe, regardez The Wire. Oui. Et donc il a lui aussi du focus, il a réparé quelques machines qu'il a pu trouver, et il capte ce signal d'Hadès, il comprend un peu les problématiques, et en fait il fait chanter Hadès, il lui dit ok, je vais t'aider à faire ce que tu veux faire. Alors Hadès ne lui dit pas évidemment je veux buter la planète, hein, oui, je pense qu'il le cache un petit peu, mais Silence lui dit ok, mais en échange de connaissances en fait humaines, je vais t'aider un petit peu dans ton entreprise. Et cette entreprise, c'est donc... Du point de vue d'Hadès, c'est en fait de pouvoir prendre contrôle de la fameuse tour dont je parlais plus tôt, pour émettre un signal qui va réactiver les machines militaires. C'est la grande tour à côté de Meridian dans le jeu. Hein, c'est ça. Et pour ce faire, Silence lui suggère qu'il y a une tribu en fait qui a perdu une guerre civile et qui est donc un petit peu exploitable, et notamment qui a une religion qui fait que Hadès pourra se faire passer pour une de leurs divinités et qui lui obéira du coup de façon complètement aveugle. Et une fois qu'Hadès a mis un petit peu en place cette société qui s'appelle l'Eclipse, il n'a plus besoin de Silence qu'il faisait chanter. Sauf que Silence, qui n'a jamais fait confiance à Hadès, faisait en sorte de pouvoir entendre un petit peu les communications qui se font entre tous les différents focus qu'il a récupérés pour armer Eclipse. Et une fois qu'il a pris connaissance de ça, bah, il s'enfuit, hein, parce qu'Hadès allait le tuer, a ordonné à l'Eclipse de le tuer. Et donc, ouais. Non, vas-y, tout le jeu, ça va être d'affronter Hadès. Hein, ouais, c'est d'accord. Ça, en fait. On va découvrir Silence Arceta, va nous aider, en fait. Hein, du coup, à partir du moment où on a le focus, au bout d'un moment, bah, Silence, il prend conscience qu'on existe aussi, puisqu'il n'y a pas grand monde qui a des focus dans cet univers-là. Silence se met, en fait, à parler à Aloy à un moment donné, et va être un peu son mentor, son guide, en lui donnant des infos très sibyllines, très cryptiques, à base de va là, fais ci, fais ça, tu m'écoutes, et voilà. Oui. Et bon, ils ont, tu vois, c'est vraiment un personnage ultra pragmatique. À base de les relations sociales, c'est pour les autres. Donc voilà, on va dire que c'est pas les meilleurs amis du monde, Silence et Aloy. C'est un personnage qui est assez chouette, parce qu'il est assez ambigu. Au début, comme dit, il est très avare en info, parce qu'il est juste là pour te faire faire les trucs. Lui, il sait ce qui est bon, il va pas t'expliquer ce qui se passe. Et d'ailleurs, même le perso d'Aloy, il va parfois le faire chanter lui, tu vois, en lui disant, écoute, j'ai fait ce que t'as fait, si tu veux que je fasse l'étape 2, tu m'expliques un petit peu ce qui se passe. Et parce que lui, effectivement, il est très dans le genre utilitarisme, hein, c'est en mode, moi, je contacte des humains que si on a des intérêts communs, quoi. C'est vraiment que ça. C'est vraiment sa vision du monde, et que du savoir, de la connaissance en accumulé, etc. Et du coup, péripétie, comme on a dit, hein, oui, Aloy. Découvert. Là, c'est vraiment le jeu, donc Aloy qui va justement de fil en aiguille redécouvrir ce qui s'est passé. Donc, toute cette histoire avec Pharo, elle va revoir cette espèce de réunion où ils se disent Mais tu es affreux, mais pourquoi tu fais ça? Ils se disputent. Donc, voilà, réunion d'entreprise classique. En plus, hein, voilà. Et voilà, elle va découvrir. Réunion d'entreprise classique. et ensuite, elle va bien sûr affronter toutes les bestioles qui sont corrompues par Hadès, parce qu'il y a une espèce de manifestation un peu mystico-magique, une espèce c'est de rouge. Truc rouge, voilà, ça c'est fait, rouge ça et méchant, et ça prend des bestioles qui sont pas comme les jolis robots, qui sont un peu plus dark, un peu plus militarisés, et voilà, on les affronte à plusieurs reprises dans le jeu, et jusqu'à donc, finalement, à la fois en aidant un peu les différents peuples, elle va pouvoir se mettre vraiment à combattre une bonne fois pour toutes, alors c'est ce que nous croyons, mais Hadès, et elle va réussir à détruire le truc, parce qu'elle récupère enfin, avec Gaïa en fait, elle réussit à réactiver Gaïa, elle récupère une clé USB qui permet de détruire Hadès. Ça lance depuis le début. Voilà, en fait, c'est ça. Tu vois, elle l'améliore au fur et à mesure. Elle lui met des petits trucs. Elle a des nouveaux programmes. Mais une GTX de 2080, ça l'augmente. Et donc, en fait, à la toute fin, elle arrive en fait à désactiver le truc, à empêcher Hadès de détruire le monde et etc. Mais Hadès, on ne sait pas trop comment. Il y a des petits filaments qui volent dans le ciel. Encore une fois, c'est voilà. Et Silence, ça y arrive avec sa petite lanterne. Ah, voilà. Et il le récupère dedans en disant, hé, hey, tiens, c'est mon toi, vieux pote. Cette fois-ci, c'est moi qui vais. Et on comprend qu'il va enquêter sur le mystérieux signal dont on parlait, parce qu'on ne sait toujours pas en fait qui a fait naître ça et a réveillé Hadès et tout, a provoqué ça. Et du coup, Silence, il est devant une espèce d'autre bâtiment. C'est même un maxi monstre, non? C'est pas, il est pas justement devant une gigantesque machine à la fin. L'écran se termine là-dessus. C'est peut-être un des trucs, comme t'en as chez les Nora, la maison des mères, je crois qu'ils appellent ça, ou je sais plus trop quoi. C'est des espèces de gros creusets en fait. C'est les machines qu'on voit dans les montagnes, des maxi trucs sur les montagnes et tout. Je crois que c'est un bâtiment comme ça, mais je sais plus trop. Et on comprend qu'il va se battre contre ça dans le 2, on est d'accord. Non, c'est peut-être juste un bâtiment dans lequel il y a des infos. Enfin bref, on verra, mais voilà. Et parce que Silence le fait complètement secrètement, hein. Il est plus du tout, il est pas sur le champ de bataille ou quoi. Il fait ça dans son coin. Et voilà, c'est la fin de Horizon Zero Dawn. Et c'était bien cossu, hein, on a un long tunnel de Maxime qui nous a tout raconté. C'est vrai que c'est très dense en fait, il se passe beaucoup de choses dans Horizon, et en plus, c'est vrai que comme je le disais un petit peu en intro, on nous donne beaucoup de choses aussi à la fin du jeu. Ouais, on y reviendra sur la manière dont c'est diffusé, c'est pas forcément toujours très, très digeste justement, parce qu'on nous apprend beaucoup de choses à des moments clés du jeu, et c'est principalement vers la fin, parce que l'essentiel du jeu, ça se déroule à base de l'histoire du point de vue d'Aloy, hein, on va découvrir l'univers avec elle. Et en fait, je pense que c'est pour ça que le jeu est autant écrit, autant dense en termes d'informations, parce qu'ils veulent créer une nouvelle licence, nous présenter ce monde-là, présenter le monde à Aloy, puisque elle non plus ne le connaît pas, elle va découvrir l'extérieur de la zone de chasse des Nora en même temps que nous. Et on se retrouve en fait à avoir un jeu qui doit nous donner tellement d'informations en finalement quelques dizaines d'heures, entre guillemets, parce qu'il doit nous raconter des milliers d'années d'histoire. Hein. Ouais, c'est ça. On part du principe. Il y a deux choses en fait que le jeu doit nous raconter. Et donc, en permanence, on va avoir ces espèces de va-et-vient entre la préhistoire, donc l'histoire avec Elisabeth Sobeck et donc l'origine du projet Zero Dawn, ce qui s'est passé, et l'histoire d'Aloy qui, petit à petit, avec ses péripéties, ses rencontres avec les différents PNJ, etc., va non seulement mieux comprendre le monde dans lequel elle évolue, mais elle va surtout comprendre pourquoi le monde dans lequel elle est s'est retrouvée dans cette situation. Et en fait, nous, ce qu'on a retenu de tout ça, c'est que c'est cette partie-là archéologique qui finalement donne beaucoup de sens au jeu, et c'est un peu la petite carotte qui te fait avancer tout du long et qui te donne envie justement de savoir comment ça se fait qu'on en est arrivé là, d'avoir le twist du « mais pourquoi il y a des dino-robots ?» Ouais, oui, c'est vraiment ça. En fait, c'était un gros défi quand même pour eux, je pense, de donner, d'être sur une narration qui est en plus sur un monde ouvert. Alors d'ailleurs, on l'a pas dit, je crois, dans le contexte, mais ils ont fait venir un des lead writers de Fallout New Vegas, qui est John Gonzalez. Donc en fait, dès le début, ils se sont dit, on va avoir besoin de quelqu'un pour nous aider à la narration, pour nous aider à l'écriture. Et c'est vrai que c'est vraiment vaste, mais il est vraiment cool, le lore. Tu sens qu'ils l'ont vraiment travaillé, en fait. Et comme tu le dis, vraiment dans le jeu, sur ce premier jeu, tu sens qu'il y a vraiment beaucoup de travail qui est fait pour poser les fondations en fait de cet univers, et ensuite on pense peut-être que ça prendra plus d'ampleur quoi. Il y en a peut-être même trop, tu vois, entre guillemets, parce que t'as énormément d'informations, et en plus, comme on le disait, ils ont fait un travail sur la partie esthétique, artistique, toutes les recherches graphiques qui est énorme, et en fait, en permanence, tu es bombardé d'informations, que ça soit visuel, que ça soit sonore, il faut connaître le nom de différents peuples, il faut comprendre un peu les différentes évolutions, tu vois, il y a toute une histoire avec la guerre civile des Karja, donc il y a les Karja de l'ombre, les Karja du soleil, il y a Avad qui a fait qui a tué son père, qui était devenu un peu le roi fou, façon Game of Thrones, machin, il y a Eren, lui, il y a les histoires des Osram, il y a tous les coins. Il y a tout un tas d'histoires dans l'histoire avec des petits plots à droite à gauche qu'on va découvrir en fonction des régions qu'on va visiter, et donc on va avoir tout ça, et en plus de ça, le jeu doit en permanence nous rappeler que, au fait, Aloy, elle a une mission, il y a Gaïa, elle est là, il y a Hades, elle est là pour sauver machin, le monde, exactement. Comment ça fonctionne. En fait, ce qui est aussi intéressant, alors je reviens sur encore du post-post-apo, mais ce qui est vrai qu'en général, quand tu débarques dans un monde post-apo, tu comprends ce qui s'est passé parce que voilà, ça fait référence à ton monde. Alors que là, on débarque dans un truc, et oui, la question de dire mais pourquoi Dino Robot quoi, qu'est-ce qui s'est passé entre ce temps, et en fait pendant très longtemps dans le jeu t'évolues un peu dans le flou, tout simplement parce que t'as pas les éléments vraiment clés pour comprendre pourquoi on en est arrivé là, pourquoi le monde est détruit, pourquoi la nature elle a eu le temps de reprendre toute cette végétation, pourquoi il y en a et pourquoi on est arrivé sur des tribus qui sont inspirées comme ça de trucs un peu de peuples un peu inca et des cette culture là un petit peu. Il y a pas vraiment, t'as pas vraiment d'éléments de réponse, et tu te dis comment ils vont arriver à le justifier. Et c'est vraiment justement tout au long de l'aventure que tu découvres. Et autant la justification, je la trouve plutôt bonne, tu vois, quand tu lis l'histoire d'Horizon Zero Dawn, vraiment façon textuelle et chronologique. Ça oui, aide. Comme on l'a pu ça, faire. Ça tient plutôt bien. Je trouve que c'est assez réussi, mais le gros problème de narration, c'est que le personnage d'Aloy doit comprendre à son tour comme ça, et du coup ça doit se faire à des endroits assez précis, tu vois, elle doit arriver à certains complexes, il faut que ça lui soit transmis d'une façon logique aussi, c'est-à-dire que ça va être des audiologues, ça va être des textes, ça va être quelques dialogues avec Silence qui a lui de son côté découvert des trucs, mais bah, y a un moment ça fait beaucoup d'informations transmises de façon pas forcément digeste comme tu le disais, bon c'est une anecdote personnelle, mais moi typiquement il y a un moment je me disais bon allez je finis vite fait le truc et je vais me coucher, je suis tombé sur un de ces tunnels d'audiologues, de textes et tout, et bon c'était un peu compliqué, et surtout ils le font beaucoup de fois en fait, il y a vraiment des moments où tu dis c'est le moment où je vais écouter l'audiologue. De mémoire il y a 4-5 points chauds comme ça dans lesquels on va rentrer dans des complexes souterrains etc, et c'est là en fait on va apprendre les choses, parce que du coup comme tu le dis ils doivent le faire, c'est un truc sur lequel ils ont beaucoup bossé et qui moi m'a pas mal plu, c'est l'idée que leur univers il essaye d'être assez logique, assez cohérent, et donc effectivement des informations sur ce qui s'est passé il y a des milliers d'années, tu vas pas les trouver au milieu de la nature dans un nid de raptors mécaniques, tu vois. Donc effectivement ça va être dans un complexe souterrain, tu vas avoir galéré pour y aller, et une fois que t'y es, et ben en fait tu sens qu'il y a toute l'équipe de narrative qui était là genre allez on y va. Ils ont ouvert les vannes à fond en mode bon bah là tu sais quand tu trouves justement l'endroit où ils passaient les entretiens pour le projet Horizon Zero Dawn, où donc ils allaient dire aux gens le monde va finir, vous allez mourir, mais vous allez mettre toutes vos connaissances dans des petits disques durs et dans des milliers d'années l'humanité survivra grâce à vous. Et donc ça, ce passage là moi je m'en souviens très bien parce que du coup je l'avais fait en stream, ça m'a pris bien quasiment 40-45 minutes où tu ne fais que lire du texte, que écouter des audiologues, mais en même temps ça peut fonctionner dans le sens où comme ça te raconte, ça te donne du sens à tout ce que t'as vu dans le décor jusqu'à présent, tu commences à comprendre l'univers, donc t'as envie de rester là-dedans, mais du coup ça dénote complètement en termes de rythme avec le jeu qui d'habitude est très orienté action, avec un système de combat qui est ultra léché, etc. Et donc on se retrouve comme ça dans ces petits tunnels qui pètent un peu le rythme du jeu et qui montrent qu'ils avaient... Ils ont eu ces espèces de goulots d'étranglement où ils avaient besoin de... On doit leur filer des infos, on sait pas comment faire, tant pis, on en met plus, ouais, tu vois. Et puis surtout, je pense que, en fait, comme ils ont changé, encore une fois, de shift, ils sont passés à des jeux qui duraient, à 6-8 heures, une campagne de Killzone, là, c'est sur un open world, on va revenir après, mais des jeux qui sont longs, je pense qu'ils ont dû rogner peut-être sur la partie un peu cinématique, c'est vraiment pouvoir faire des cinématiques qui tabassent et vraiment qui t'amènent la narration de manière un peu plus sympathique que juste gros tunnel de dialogue, et ça, ils ont peut-être pas pu le faire. Enfin, tu vois, c'est des hologrammes, des choses qui sont un peu moins compliqués quand même à modéliser, qui sont un peu plus flexibles, des audiologues, c'est assez facile à placer. Donc je pense que voilà, c'était une solution qui marchait bien pour ce qu'ils avaient comme scope pour leur projet. Même au niveau des dialogues, tu le vois souvent, la mise en scène en fait, des dialogues avec les NPC, c'est toujours un champ contre champ, plan américain, très peu d'animation faciale, ça on le voit, c'est un truc que moi j'avais noté déjà à l'époque, où c'est vrai que tu sens que quand tu voyais des jeux, des The Last of Us, des God of War typiquement, qui est sorti peu de temps après, tu voyais qu'il y avait un gap énorme entre les deux, parce que je pense que comme c'est ce passage vers de l'open world, c'est pas qu'ils ont sous-estimé, c'est juste que la charge de travail elle est tellement énorme qu'il aurait fallu recruter des milliers de personnes pour réussir à faire un truc à un haut niveau, tu vois, de qualité, quoi. Oui, tu peux pas faire de la narration comme tu le fais. Enfin, tu vois, il y a Uncharted 4 qui est sorti un an avant, qui est sorti en 2016. Bon, voilà, tu peux pas avoir ce niveau de cinématique, ces espèces de mise en scène. Heures. Voilà, pas sur 40 heures. C'est clair. Voilà, sur un open world, c'est pas possible. Et puis surtout, dans l'ADN du jeu, ça marcherait moins et ça aurait demandé trop de moyens en fait par rapport à là où ils devaient vraiment mettre leur argent, c'est-à-dire et leurs ressources, c'était dans l'open world, dans les dinos, etc. Et justement, le cœur du défi pour Guerrilla, c'était de créer un open world. Et le truc, c'est que dans les années 2010, l'open world, la formule reine, c'est plus GTA, c'est plus forcément encore Skyrim, c'est surtout Assassin's Creed et Ubisoft. Et ils vont en fait vraiment s'inspirer d'un peu de tout ça pour recréer leur univers. Et c'est vrai que dans la construction de l'open world, on retrouve des idées. Alors c'est assez rigolo parce que même s'il y a peu d'années qu'il est sépare. Nous, des fois, on se disait, tiens, c'est marrant, ils sont un peu inspirés de The Witcher 3. Je pense qu'en fait, comme ils se sont inspirés des mêmes bases chez Guerrilla et chez CD Projekt, en parallèle, ils sont arrivés un peu aux mêmes conclusions en disant, il nous faut une zone de décompression. Il nous faut une zone tuto qui, dans The Witcher 3, c'est Blanche Rive et du coup, c'est une île qui est, enfin, une ville qui est complètement à part du reste de l'open world avant qu'on te jette dans le grand bain. C'est le petit pédiluve là. Mm-hmm. Et donc, dans Horizon Zero Dawn, ils l'ont intégré au jeu. Il y a la partie à l'œil enfant qui sert vraiment de tuto, tout les à commandes, à quoi ça sert, comme tu sais, les hautes herbes, oui, l'infiltration, voilà, machin. Et après, il y a un deuxième gros tuto qui est toute la première zone avant qu'on arrive dans le truc des Karja. Et ça fait qu'il y a un début de jeu qui est très long parce que tu as 15-20 heures de mise en place de l'univers où tu vas te retrouver assez rapidement face à une avalanche, mais une espèce de panel d'action annexe. Tu vas avoir les terrains de chasse, tu vas pouvoir découvrir les creusets, oui, voilà, tu vas pouvoir découvrir des quêtes annexes. Chaque truc, voilà, un peu systématique que tu retrouveras en x3, x4 dans la zone d'après. Mais je trouve que c'est vraiment juste ce que tu dis sur ce côté-là, que voilà, ils ont eu le même benchmark, en fait, ils sont allés chercher les mêmes grosses inspirations. Alors on vous renvoie aussi peut-être à notre épisode sur Far Cry 3, hein, pour encore mieux comprendre la formule Ubisoft. Mais néanmoins, je trouve que Guerrilla ont quand même l'intelligence de l'alléger, de ne pas autant la rendre aussi quadrillée que pouvait l'être Ubisoft. Alors ça s'est peut-être calmé depuis, ça fait un moment que j'ai pas fait un open world Ubisoft, il faut l'avouer, mais c'est vrai que par exemple dans Far Cry 3 c'était vraiment très systématique, c'était tour, 2-3 camps d'ennemis autour, les petites activités, la moto, la bombe, l'assassinat, et c'était comme ça très, très quadrillé en fait, hein, vraiment tu suivais constamment le même fil rouge, les boucles se renouvelaient comme ça, alors que là Horizon ils ont été beaucoup plus légers, déjà sur les tours. Alors il y en a, hein, il y a c'est les dinos cette fois-ci qui se déplacent, mais déjà il y en a beaucoup moins que dans le ouais, il y en a 5-6 en tout, ouais, un ça, truc ouais. comme et ça. Elles n'ont pas cette même fonction en fait systématique de dire ok je vais me découvrir la carte, là elles vont te donner des indices sur des choses qu'il y a sur la carte, mais ça va pas non plus t'afficher la topographie de la map comme ça peut l'être dans les jeux Ubisoft. Sachant que là c'est un truc qui je trouve moi est assez maladroitement amené, c'est que en fait quand tu croises les premiers marchands tu vas pouvoir acheter des cartes qui vont révéler des tonnes d'informations, oui, c'est vrai, ouais. Qui vont te, en quelque sorte, te pré-mâcher l'exploration. Te charger la map. Tu as les fleurs de métal, tu sais, avec les petits poèmes. Tu as les petites statues, il y a les petits mugs à récupérer. Enfin, il y a vraiment tous ces trucs annexes. Il y a les panoramas aussi, ça c'était cool, j'aimais bien ces trucs-là. Enfin, tu as tous ces trucs-là, tu peux les acheter. Et moi, du coup, je vois un PNJ, il me vend un truc, je l'achète. Tu vois, j'ai pas trop réfléchi, mais je me rendais pas compte que ça allait me pré-mâcher l'exploration et m'enlever cette envie, tu vois, d'aller découvrir les choses. Parce qu'en fait, quand tu clique sur la girafe là et la tour, tu vois juste les zones où il y a des monstres, ouais. Tu vois juste les zones, ici il va y avoir des ravageurs, là il y a des veilleurs, là il y a des vaches, là il y a des élans, enfin tu vois, c'est juste ça, il te met pas plus d'infos. Et ça, je pense que ça fait partie, tu sais, de ces petits défis, de ces petits soucis qu'on reconnaît bien dans les open world modernes, qui sont la peur, tu vois, que les gens, la peur du vide, et que les gens s'ennuient et qu'ils ne savent pas où aller. Parce que justement, l'exploration par des éléments visuels n'est peut-être pas suffisamment amenée. Et donc, forcément, quand 3 jours plus tard, il y a Zelda Breath of the Wild qui sort et que lui, il fait tout en visuel et il te laisse te démerder non-stop. Forcément, la comparaison entre les deux, tu vois l'évolution, tu vois qu'ils n'en sont pas tous les deux au même stade de réflexion sur l'open world. Bah, moi, clairement, dans Horizon, j'ai pas eu le sentiment de vraiment de m'approprier, tu vois, le monde, parce que t'as quelques missions qui peuvent t'emmener à des extrémités de la map ou quoi, qui vont, après, comme dans tous les open world, mais qui vont t'emmener vraiment typiquement à cette zone-là, parce que tu auras une mission, et après tu la quittes, et tu sais que tu y reviendras jamais vraiment, tu vois, ou quand je passais par un endroit, je regardais pas autour de moi pour me repérer, tu vois, c'est genre, je vais aller à tel endroit parce que je vais choper un mug, ou alors je vais à tel endroit parce que je vais me faire la tour, ou alors je vais aller au creuset, ou je vais aller à la mission, mais c'est toujours dans mon esprit en ligne droite, et je vais aller là, puis au point B, puis au point C, sans avoir, en me disant, je vais me repérer, je vais revenir, j'avais toujours le sentiment que j'y passais qu'une fois, tu vois, alors que c'est vrai que Zelda, bon, c'est un peu différent. C'est ça qui est difficile à, voilà, la comparaison, en fait, avec le Zelda qui nous perdait, en fait, c'est-à-dire qu'on avait tout le temps envie d'explorer. Et c'était en jeu que tu avais envie d'explorer, c'est tu voyais un truc, tu disais oh, il y a un truc qui brille là-bas, j'ai envie d'aller voir. Et là dans Horizon c'est pas comme ça, et puis il y a aussi cette idée de structure que Zelda, voilà, c'était extrêmement ouvert, c'est-à-dire que Zelda on te lâche, et là on te lâche vraiment, et tu peux aller où tu veux, partout, et faire le jeu dans l'ordre que tu veux, ce qui n'est pas le cas là dans Horizon où c'est quand même beaucoup plus balisé, voilà. Avec une progression plus linéaire traditionnelle, hein, dans les open world, hein, mais voilà, beaucoup plus cadré, mais quoi. Sans compter les déplacements du coup, parce que Zelda tu peux escalader où tu peux sauter de n'importe quelle hauteur, alors que dans Horizon, toute verticalité, elle est balisée. Tu ne peux escalader que quand tu as des prises jaune fluo, tu ne peux descendre que quand il y a le truc où t'appuies câble, sur, tu appuies sur le triangle pour descendre en rappel. Mais sinon, quand tu vas à une montagne, non, si le caillou il fait 1m35, c'est bon, tu ne et passeras tu pas, pas, tu au-dessus. Ne pas sur le caillou. Ouais, et ça, c'est un peu étrange parce que je pense que c'est un. Je sais pas exactement comment l'expliquer, je pense qu'il y a quand même une part de. vraiment de peur en fait, parce que ça veut dire qu'il faut faire confiance, tu vois, aux personnes qui vont jouer. Il faut leur laisser le bénéfice du doute et les laisser se démerder, parce que finalement quand tu réfléchis un petit peu au décor et ce qu'ils nous montrent, quand tu découvres la première fois la tribu Nora avec les espèces d'énormes araignées enfermées dans la glace, t'as qu'une envie, c'est d'aller y aller, tu vois. C'est de les visiter, de voir. La première fois que tu vois un creuset avec ses portes triangulaires, etc., visuellement il se passe des trucs. Tu vas visiter, tu vois, des ruines, tu vas voir des bâtiments, tu vas voir un stade de foot en ruine, etc. Donc il y a quand même pas mal d'éléments visuels qui auraient pu servir de repère, et, etc. Mais le jeu en fait va préférer baliser sa progression pour nous tenir un peu par la main. Alors est-ce que c'est parce que c'est des exigences de AAA, que c'est un jeu qui se veut, tu vois, je sais pas exactement. Mais c'est toujours c'est un peu ce qui se faisait déjà à l'époque, c'est-à-dire c'est ce que le modèle, font les autres open world. Et puis encore une fois, il faut toujours revenir que c'est leur premier open world à Guerrilla. C'est des gens qui font des jeux linéaires, donc c'est vrai que déjà rompre, se dire ok, on va prendre une autre formule qui est facile entre guillemets à benchmarker, puisque bah il suffit de jouer à plein d'autres jeux et tu dis ok, ça marche comme ça et on peut essayer de faire notre truc, plutôt que de complètement en plus éclater le truc et dire vas-y, on va casser tous les repères et on va faire bah ce que Zelda a fait. Mais c'est pour ça que je disais, tu vois, c'est que Zelda, bah ils ont pas le même chemin derrière non, eux, bah, bien sûr. Ils ont plus pas la même expérience, quoi. Et on lui jette pas la pierre, parce que comme on non, vraiment pas. Il a commencé donc début des années 2010, donc c'est vrai qu'en termes de référence voilà, c'était il allait prendre les exemples qui existaient déjà. Et comme on l'a dit, c'est que son souci c'est d'être sorti en même temps que Zelda, sauf que depuis, personne n'a fait comme Zelda. Donc ouais. En fait, autant en 2017, il souffrait de la comparaison, sauf qu'en 2018, 2019, 2020, il y a d'autres open world qui sont sortis et qui ont été bien reçus. Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, c'est quand déjà, c'est 2018 ou... Fin 2018. Ouais, 2018. Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima. Et tout ça, ils ont été bien reçus, voire très bien reçus, et ils n'ont rien révolutionné non plus. Alors, pensait qu'en fait, que Zelda, ça allait être une rupture et que tout le monde allait passer ensuite à ce modèle-là, ouais. Alors qu'en fait, non, ouais, pas du en tout. En fait, c'est ça, il y avait cette idée qu'il y avait une espèce de fatigue, tu sais, de lassitude, ouais. Des open world, alors qu'en réalité bah non, en fait c'est une formule qui fonctionne. Non mais tu vois, c'est bien sûr individuellement ouais. Toi je sais que c'est pas trop ta cam, bah, moi je l'ai moi Horizon, c'est marrant, tu vois, je les redécouvre, c'est oui, l'inverse, c'est ça, en fait c'est ça, ouais. Parce que j'ai lâché ces trucs là, moi les débuts d'Assassin's Creed Arkham City, Assassin's Creed 2, 3, etc., moi c'était le moment où j'en pouvais plus de ces trucs là et donc là je l'ai redécouvert et je me suis dit bah en fait la formule elle fonctionne bien. Certes ça me manque ces trucs visuels, ça me manque cette liberté d'exploration, parce qu'en plus bah les animations, le game feel, le jeu il incroyable, donc j'aurais eu envie de pouvoir m'approprier un peu plus, mais par contre bah, je vais m'accrocher au combat, je vais m'accrocher à cette recherche archéologique, et en fait le jeu, bah, une fois que tu commences à rentrer dedans, tu t'en fiches finalement, tu vois, de ces petites différences, surtout que comme tu l'as dit, moi ce que j'ai finalement bien aimé, c'est que contrairement à du Assassin's Creed ou quoi, ils ont eu une espèce de lucidité sur la lourdeur des quêtes annexes, ouais, tu vois, ouais, tout à fait. C'est petit, c'est des mugs, tu vas juste chercher un mug, ça prend pas deux tonnes même de temps. Les camps d'ennemis, il y en a pas 512 ouais. Dans le truc, ouais, hein. Je pense qu'ils se sont rendu compte que c'était pas terrible, oui, tu vois, d'ailleurs, le système de le combat dire, contre les humains il n'y a pas vraiment ouais, de sens, ouais, et donc ils n'en ont pas mis 40, tu peux complètement passer à côté, il n'y a absolument pas d'obligation de le faire, ouais, c'est ça, les c'est mugs pas zoné, c'est pareil ouais. Comme le truc, quoi. Et il n'y a pas non plus cette progression qui est complètement segmentée comme dans les Assassin's Creed Odyssey Origins un peu plus récent, par où c'est des zones, ouais, tu vois, il y a des zones de 39 niveau, à 43, voilà, ça, etc. Là effectivement il faut gagner de l'XP, mais ça se fait naturellement, ça se fait un peu naturellement, la plupart des actions que tu vas pouvoir faire vont te faire gagner de l'XP, ça fait partie de ces jeux où tuer des monstres, ça donne encore de l'expérience, ça paraît rien, mais The Witcher ne le faisait plus déjà, l'expérience elle vient principalement des quêtes, ouais. Donc là bah, tu peux simplement jouer au jeu, chasser un peu, te balader, et tu vas suivre un quand petit même, peu la progression. Quand même suivre la progression, tout à fait. Et puis un dernier point, bah, c'est que c'est quand même super beau, faut le dire, enfin je veux dire, en termes de carte postale on est quand même vraiment pas dégueulasse. Par contre là on est vraiment dans les bons canons de l'open world AAA, enfin là ils n'ont rien à envier aux jeux Ubisoft, hein. Je disais beaucoup de bien des créateurs de monde chez Ubisoft, hein, toutes les équipes qui font un travail incroyable pour modéliser tous ces mondes, mais là c'est vrai qu'Horizon ils ont fait un truc très nature comme ça qui est mélangé justement avec ce côté bah, ruine un peu post-apo, mais vraiment très verdoyant, très chatoyant. Encore une fois, on sent vraiment qu'il voulait vraiment sortir du truc très déprimant de Killzone, bah ouais, et très ouais, sombre. C'est vraiment, t'as tellement de biomes différents que tu vas visiter, mais à chaque fois, il y a toujours des couleurs incroyables qui vont péter, tout ce qui est Golden Hour, donc le lever, la fin et le coucher du soleil avec ces espèces de mauve, de violet, de rouge qui vont se mélanger dans le ciel. Enfin, bon, moi, j'ai passé des heures sur le mode photo parce que justement, bah, le jeu, tu vois, visuellement, c'est toujours un peu un petit plaisir de la découverte. Ça, c'est un truc qui est cool. cool. Tu vas découvrir une nouvelle zone quand tu arrives à Meridian, que c'est, tu vois, il y a des cascades, il y a des falaises. Quand tu passes, moi je me souviens, tu sais, quand tu passes justement cette fameuse porte là qui te ferme de la première zone et que tu débarques et que ça s'ouvre devant toi comme ça, tout ce monde, tu vois un grand coup au loin, tu vois un T-Rex qui est en train de défoncer un truc. Enfin, il se passe quand même quelque chose en termes de monde et de, tu sais, de respiration comme ça, tu prends. Ça, ils ont vraiment bien réussi à le capter. Et puis, comme on est sur vraiment du terrain très naturel, bah voilà, l'horizon, alors, je fais pas de jeu de mots, mais est vraiment lointain. Donc, il y a quand même quelque chose de, ouais, d'assez beau qui se passe et qui peut être contemplatif. Surtout, bah voilà, tu peux te balader évidemment avec tes chevaux mécaniques, tes petits taureaux là. Donc, c'est vrai que ça marche bien. Il y a un parti pris aussi des couleurs qui est assez radical à certains moments, qui est pas du tout naturel, mais en fait, c'est joli. Et du coup, ça passe, t'as vraiment des nuits, elles sont vertes. Enfin, c'est assez, oui, c'est vrai qu'il y a des nuits presque violacées, ouais, parfois, ou vert, ou un peu aurore, ouais, un peu. Ou les complexes, du coup, scientifiques, c'est du violet rose fluo, tu vois, et pourquoi pas, tu vois. Ouais, c'est ça, t'as des codes couleurs, en fait, qui vont vite s'installer. C'est vrai que toute cette couleur mauve, c'est souvent associé, voilà, aux hologrammes, à la technologie de l'ancien temps. Ouais. C'est un peu le truc old school, en fait, c'est la même couleur que les petits hologrammes qui apparaissent dans ton focus à toi, et tu vas pas les croiser autrement. Donc, ils ont fait ce choix-là. Le coup de la nuit, c'est vrai que c'est marrant que tu en parles, parce que justement, ça m'avait surpris la première fois, mais en même temps, ça fait que ça reste lisible. C'est rare, parce que là, ils se sont retrouvés face à un truc qui est un peu bête, c'est la nuit. Alors, normalement, il n'y a pas d'éclairage, mais surtout, là, il n'y a vraiment pas d'éclairage, puisqu'il n'y a plus de civilisation, il n'y a plus d'électricité. Donc, techniquement, comment tu fais la nuit pour y voir? Bon, bah, ils ont fait cette espèce de ciel verdoyant qui fait que même en pleine nuit, tu arrives quand même à voir les bestioles. En plus, elles ont souvent des loupiottes sur les yeux. Exactement, donc tu les vois de loin. Ton focus et tout. Donc, et donc, ils ont quand même ce cycle aujourd'hui, ils l'ont bien travaillé pour que ça ne gêne pas à la fois la lisibilité et que ça reste joli, parce que du coup, ça reste sympa de se balader, de découvrir les végétations, les montagnes, etc. en pleine nuit. Donc open world réussit ça quand même malgré tout, même si encore une fois on peut penser à la comparaison avec Zelda. En fait, dans les canons du jeu vidéo AAA, ils ont quand même vraiment fait le taf littéralement. Et puis ensuite, deuxième gros point, ça va être d'ajouter cette petite sauce, la sauce RPG. C'est le cheddar comme ça qu'on fait couler un peu sur les frites avec les petits morceaux d'oignon grillotés. C'est la sauce RPG, c'est celle qu'on aime, c'est celle qu'on met sur tous les jeux des années 2010. Et eux, bah voilà, ils sont vraiment allés chercher encore une fois les grosses références qui, à mon sens, c'est d'un côté Elder Scrolls, voilà, ça va vraiment être ça la base de la ref, et puis de l'autre côté quand même un petit côté Diablo, parce que c'est quand même sympa de mettre des objets verts, des objets violets, des objets dorés, histoire de te donner envie de continuer. Et en fait, bah, c'est vrai qu'on retrouve vraiment, encore une fois, bah, cette formule qui, déjà en 2017, était quand même assez classique. Avec, voilà, on a parlé d'XP, ça on en a déjà un petit peu parlé, mais il y a un petit peu de looting, il y a un petit peu de crafting, il y a ce fameux arbre de compétences qui est composé de trois grandes branches avec d'un côté chasseur, cueilleur, hunter, ou je sais plus quoi, pirateur, je sais plus ce que c'est. Je sais plus non plus. Ouais, t'as un truc sur la furtivité, t'as un truc qui est plutôt sur le tir, t'as un truc qui est plutôt sur l'exploration, la nature, quoi, en gros. Mais c'est vrai que cette sauce RPG, comme tu dis, c'est devenu vraiment le truc qui fait tous les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a pu gagner de l'expérience dans Call of Duty, ouais, on s'est dit c'est bon, en fait partout. Le RPG, ça marche, Diablo, ça marche dans absolument tout. Et c'est vrai qu'ils reprennent, ben, comme tu le dis, voilà, la trinité, l'expérience, les objets de la couleur, on va ramasser des trucs dans la nature pour se fabriquer des trucs, hein. On le rappelle, il y a eu ce petit jeu qui s'appelait Minecraft qui est sorti et qui a quand même pas mal changé. Ça me dit quelque chose. La façon dont on voyait les choses, hein. C'est vrai que tous ces jeux de survie et de récolte, ouais, ça a évidemment cartonné dans les années 2010, donc forcément ça a tout son sens dans un univers où c'est des chasseurs-cueilleurs, bah oui, bien sûr, effectivement, qui vont prendre des petits morceaux de bambou et se fabriquer des flèches, ça paraît tout logique, à fait naturel, ouais, tu vois. Là où par contre je trouve qu'ils ont été super malins, c'est que sur les animations, c'est pas lourd, tu vois, ils ont fait en sorte que ça ne devienne pas une corvée de le faire, c'est-à-dire que c'est pas chiant de ramasser un truc, tu passes à côté d'une brindille, quand tu cours, pouf, tu la ramasses, tu peux la ramasser quand t'es ado de cheval, etc. Et donc ça ne n'alourdit pas trop le gameplay, mais ça reste présent, c'est-à-dire que si tu veux progresser, ça on en parlait avec Max, t'es obligé de tuer des ratons, tuer des rats, tuer des dindons, tuer des cochons, enfin t'es obligé de tuer plein de trucs pour choper des peaux, pour choper des dents, ouais. Parce qu'il y a pas mal de trucs à crafter quand même, hein, parce qu'on a donc d'un côté tout ce qui est armes, enfin déjà munitions, donc tout ce qui est flèches et compagnie. Si comme moi vous aimez beaucoup les flèches sonar là qui font péter, qui mettent les robots à poil en leur faisant éclater les trucs de métal, il y a un moment j'avais plus vraiment la ressource principale, tu vois, pour ça, donc j'avais dû en acheter. Bref, il y a les munitions à crafter, les armes on a elles-mêmes qui ont différents niveaux de rareté, ouais. Sachant que des armes, il y en a plusieurs, hein. Il y a l'arc, le lance-pierre, enfin la fronde plutôt, le tir-câble, des trucs comme ça, les tenues, on a ouais. différentes tenues. Qui ont toutes des buffs un peu particuliers, hein, style ouais, RPG, ça, où t'en as une qui va moins te... Oui. Tu vas être plus discret, t'en as une où tu vas être plus habile avec telle ou telle arme, ou je sais pas et quoi. Et qui ont des slots, du coup, où tu peux rajouter des améliorations. Runes, hein, vraiment, oui, voilà, c'est clairement ça. Système de runes. Et on craft aussi des upgrades d'équipement, typiquement porter plus de flèches, porter plus de je sais plus quoi. Il y en a pas mal, hein, en plus de mémoire. Ça, il y en a vraiment quand même entre 5 la et 10, recette Far Cry 3. Hein, ouais. Tu vois, ouais, ouais, on retrouve ouais. en fait, hein, qui est reprise telle quelle. D'ailleurs, une des grosses mises à jour du jeu, c'était la possibilité de porter plus d'équipement. Parce qu'on se retrouvait rapidement, effectivement, à avoir des centaines de morceaux de bambou pour des flèches, des milliers même qui prenaient une place folle. Et donc, ils ont augmenter la taille de l'inventaire parce qu'ils se sont rendus compte qu'au bout d'un moment, les gens, ils, ouais, tu vois, ils ramassaient tout ce qu'ils pouvaient autour d'eux et tu te retrouvais avec tes 437 000 flambées parce que tu avais toujours besoin de flambées pour faire des flèches de feu. Et donc, bah, tu te retrouvais avec ça et ils ont augmenté ça. Alors, il y a eu plein de mises à jour différentes pour le jeu, mais celle-ci sur l'inventaire, j'ai trouvé ça rigolo qu'ils aient fait ça parce que il y a plein de gens qui se plaignaient en mode bah, j'ai plus de place pour porter des runes, j'ai plus de place pour porter des trucs. S'il vous plaît, faites en sorte qu'elle se balade avec son armoire IKEA. Je me souviens maintenant quoi. Que je devais passer chez les vraiment faire de la vidange, tu vois, à limite, chez les marchands pour dire allez je vous donne toutes mes daubes ouais, parce que je peux faire de la place. En plus t'as des équipements, alors ça c'était plutôt bien foutu, sur chaque équipement il te dit à quoi il sert et quand t'as un équipement qui te dit juste c'est pour gagner de l'argent, tu sais que tu ne vas pas en avoir besoin dans des recettes de craft. Ça c'est bien, tu vois, de nous le dire, ça permet de vendre des objets rapidement, sauf qu'en général les jeux qui font ça t'as un bouton vendre les objets à la con, t'appuies sur le truc, fin de l'histoire. Ils ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Bon, alors ils auraient pu aller à l'extrême inverse, tu vois, on en parlait dans la préparation. C'est vrai que c'est pas Skyrim, c'est pas The Witcher 3 non plus. Ouais. On n'est pas dans du menuing trop lourd. Mais pour un jeu console, c'est quand même assez, assez costaud. Un oui, peu, oui, c'est ça. Ouais. Tu vois, il y a de quoi faire. Ils ont quand même trouvé un bon équilibre. Et puis encore une fois, l'intérêt voilà, de cette recette RPG, bah, c'est de stratifier la progression. C'est-à-dire que l'arbre de compétences, encore une fois, hein, il n'est pas là pour te faire un build un petit peu. Mais en vrai, bah, tu vas avoir de quoi débloquer beaucoup de choses dans l'arbre. Et c'est vraiment. Ça te permet de caper un petit peu ta force pour pas qu'à l'œil elle soit vraiment trop forte dès le début et au fur et à mesure elle va débloquer plein de petites compétences, taper par les ennemis d'en bas, pouvoir porter un truc, pouvoir tirer quand elle est sur des câbles. Ça va ajouter en fait des tout petites, pilules comme ça de mécanique qui vont te permettre de dire bah voilà je gagne quand même en puissance tout au long et j'ai de plus en plus de possibilités qui s'ouvrent à moi. Donc encore une fois ça permet d'avoir ce sentiment de progression qui est que voilà t'es en gain de puissance et à la fin en plus l'œil c'est un monstre de puissance. Selon les choix d'armes, parce que la seule chose qui te limite entre guillemets c'est le fait que tu ne peux avoir que 4 armes à la fois. Ouais. T'as plusieurs types d'arcs, t'as les fameuses rondes, t'as les tir-câbles, les lance-câbles, etc. Mais en fonction de ce que tu vas faire et selon les speed mini, à partir du moment où tu commences à avoir des frondes élémentaires qui peuvent geler 82 ennemis en même temps, puis les électrifier, puis ensuite tu jettes une bombe nucléaire au milieu. Enfin, c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est une machine. Moi je me souviens de certains combat contre les dinos, tu sais, quand t'as les terrains de chasse où t'es chronométré en plus de ça. Donc tu arrives avec tes flèches sonar, tu fais péter en quelques secondes les lance-disques, tu ramasses cet énorme truc façon Gears of War où tu les défonces comme ça. Enfin, tu te dis, mais t'as un sentiment de puissance qui est vraiment. Benoît, mais il nous a fait vraiment une Rambo comme ça, et un Rambo mitrailleuse. Mais parce que c'est vraiment ce que tu ressens, tu vois. Ils avait le recul travaillé. Dans les bras, vous l'avez pas vu, mais il était vraiment. Oui, je le sentais, tu vois, le lance-disque. Surtout qu'en plus, c'est des armes assez rigolotes. C'est pas juste un lance-missile, c'est des disques qui se mettent à voler comme des drones qui, eux, jettent des missiles lasers, Macron, oui, c'est vrai, des lasers. Oui, enfin, n'importe quoi. C'est un peu n'importe quoi. Ils sont vraiment dit, on va vous rendre puissant. À la fin, vous allez être. La DARPA a bien travaillé sur les gros robots d'Horizon. Mais voilà, grosse sauce RPG qui, encore une fois, alors, moi j'ai du mal quand même avec ce modèle-là. C'est un modèle qui me lasse très vite et en fait c'est une espèce d'artifice qui me gonfle à la durée en fait et moi ce qui m'a vraiment tenu, on va en parler après, bah, c'est les dino-robots, hein, c'est vraiment les combats contre eux, mais c'est vrai que moi ça me lasse un peu en fait de faire du menuing comme ça sur du jeu, de voir les trucs, les objets verts, violets et tout, je trouve toujours ça un petit peu artificiel, j'ai l'impression qu'on me donne vraiment des petits bonbons et c'est vrai que ça marche pas toujours sur moi et encore une fois bah Horizon fait partie de ces jeux où j'étais moi en pleine crise vis-à-vis de cette formule de l'open world action RPG et voilà il est venu taper dedans à tel point que je préfère limite tu vois Red Dead 2 qui ne fait quasiment pas de RPG et qui est pourtant beaucoup plus lent, beaucoup moins agréable on va dire à jouer et qui est vraiment que sur de l'histoire et tout, mais voilà les éléments de RPG comme ça ça me gonfle un peu, tu vois. Non, je trouve que c'est laborieux et un peu artificiel, et c'est vrai qu'avec le temps, ça me saoule un peu. Bah, surtout que ça contraste encore plus, comme tu disais, avec le reste du jeu, où vraiment tu vas avoir du combat beaucoup plus axé sur le gameplay, la visée, etc. Ouais. Parce que par exemple, un Witcher 3, on l'a déjà dit plein de fois, les combats sont quand même pas ouf globalement, et du coup, tu t'investis plus justement dans les upgrades, ton équipement, ouais, et tout, voilà. C'est plus là que tu les vas faire. Les choix, les potions que tu vas faire, les stats, en fait, tous les buffs que tu vas ajouter à tes armes, c'est là en fait que le système de jeu va être un petit peu vraiment intéressant. C'est-à-dire, c'est pas le coup que tu vas faire qui est intéressant, c'est tous les chiffres qui vont avec, alors que dans Horizon, bah, le coup que tu fais, il est déjà, cool, il est en sympa soi. En lui-même. Ouais. C'est pour ça que c'est vraiment de l'action RPG, tu vois, où l'action prend le pas. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout de leur démarche d'intégrer cette fameuse sauce RPG avec les petits oignons et tout. Tu me donnes faim. C'est vrai qu'en plus, ils commencent à être c'est bientôt l'heure. C'est l'idée que d'habitude, dans ces jeux-là, on avait forcément les choix. Je sais pas si vous vous souvenez, les années 2010, il y avait un truc dont on vous parlait tout le temps, c'était open world choice. Tu vois, c'était les conséquences, les choix. Et en fait, dans Horizon, tu sens qu'ils ont essayé de mettre ça en place. Alors, est-ce qu'ils ont manqué de temps? Est-ce qu'ils n'ont pas pu aller au bout du truc? J'imagine que ça faisait partie des trucs qui étaient très compliqué à mettre en place avec tout ce qu'ils avaient déjà comme défi à relever, technique, artistique, narratif. C'est vrai que faire une arborescence en plus avec des dialogues, des choix, des conséquences sur l'histoire, mais soit aussi des relations avec des personnages que tu vas pouvoir maxer, tu vas faire toutes les quêtes avec lui et du coup t'as une affinité supplémentaire. Mais tu sens que c'est quand même un peu là. Oui, mais ça pourrait, parce c'est que ça, t'as quand fait même plein de moments où ça dragouille pas mal. Avad, là, le jeune roi, t'as des moments où ça flirte sévère. Et même, il y a aussi une autre membre, une chasseuse avec qui apparemment, alors j'ai plus le nom, ça je les ai vus, c'est les fans un peu qui se sont appropriés le truc, mais justement il y a une autre chasseuse, je crois, avec qui elle s'entend bien. Je crois que c'est une katana que ça. Là tout de suite, son nom m'échappe, mais je vois très bien en plus qui c'est parce qu'elle est dans les comics d'Horizon, voilà, si vous voulez lire. Une brune comme ouais, ça. Ouais, et du coup, c'est pareil, tu sens qu'il y a il y a plein de choses qui ont été mises en place. Dès le début, t'as Varda, je crois, il s'appelle également, là, qui garde la porte quand tu sors de la zone nord. Ouais. Pareil, tu te dis, tu pourrais peut-être un peu le dragouiller, on sait pas trop. Donc tu sens qu'il y avait quand même cette inspiration Mass Effect en fait, cette idée de je vais avoir une sorte d'entourage et je vais pouvoir peut-être picorer dedans pour me faire des petites relations au fur et à mesure, sachant que ça, c'était pas déconnant, tu vois, avec le personnage d'Aloy qui aurait pu nouer des relations plus ou moins intimes avec les persos au fur et à mesure. Alors qu'ils ont décidé au final de la laisser un peu platonique, elle a pas le time. Et je trouve que paradoxalement, ça lui donne un côté héroïque qui est vachement, exacerbé par rapport à ce qu'on pourrait imaginer du personnage classique de jeu vidéo, parce que elle a juste ces fameux choix d'options. T'as le cœur, le cerveau et le poing. On va pas se mentir, c'est des petits détails. C'est de des réponse. Orientations, on va dire, du dialogue, plus que vraiment des choix de personnalité. Elle a déjà sa personnalité. Pas tuer des gens, etc. En fait, c'est un peu les potards de sa personnalité qu'elle a déjà, tu vois, parce qu'elle est assez. Elle est très intelligente, elle est aussi c'est un personnage qui est bon, tu vois, qui est assez valo. Typiquement, si tu compares à Witcher 3 à Geralt, les quêtes annexes, lui il peut dire démerdez-vous, j'en ai rien à foutre de votre problème. À l'œil, elle peut pas dire non, tu vois, elle va dire je vais faire la bonne chose, je vais vous aider. Après, tu le fais ou pas, ça c'est ton problème en tant que joueur, mais le personnage de l'œil voudra aider les gens. Et le troisième, je sais plus ce que c'est peut-être un peu plutôt t'as la réponse t'as la réponse sarcastique, t'as une réponse un peu plus agressive et t'as une réponse un peu plus empathique, mais ça change pas la face du monde. En fait, dans le jeu, je crois, il me semble qu'il y a un des personnages que tu peux choisir de tuer ou non. Va y en avoir un deuxième dans une quête annexe, et c'est globalement tout. Tu vois, ça va pas changer la face du monde en fait. Tes actes vont le faire de manière naturelle parce que c'est l'histoire. Hein, tu es l'héroïne, tu es l'élu. Mais tes petites actions en tant que joueur ne vont faire que renforcer, comme tu le dis, des aspects de la personnalité d'Aloy qui sont déjà là. On ne va pas inventer un personnage au fil de l'eau, on va l'incarner et on va nous donner sa personnalité, on va devoir se démerder avec. Est-ce que c'est dommage, est-ce que c'est pas dommage? En fait, ça manque pas. On n'a pas l'impression que ça manque. On peut se dire, voilà, il y a cette piste qui était là. Maintenant, encore une fois, problème de scope, est-ce que c'est problème de marketing? Est-ce qu'ils se sont dit, En fait, je me dis, moi je suis manager chez Sony, donc j'arrive et je dis, alors les loups. Non, mais vraiment, tu dis, c'est quoi la priorité, tu vois? C'est peut-être pas de développer un système de dialogue et compagnie, surtout que on fait du champ contre champ, c'est peut-être pas notre force. Peut-être, encore une fois, on peut mettre les ressources ailleurs et vraiment sur le gameplay. C'est pas un problème, mais t'es obligé d'en parler parce qu'il y a ces moments effectivement où t'as trois icônes différentes, et c'est vrai que t'es un peu, finalement ça sert à rien, tu vois, je comprends pas forcément. D'ailleurs, je sais que par exemple, alors, je sais pas si on en parlera un jour d'Uncharted 4, mais là aussi, vous vous souvenez qu'il y a des, enfin, toi tu l'as pas fait encore, Max, mais il y a des choix dans les dialogues, et justement, ils avaient eu envie de se dire, peut-être on va mettre des choix qui vont orienter, et puis au final ça a été jeté, tu vois. Donc parfois il y a des, je pense que ça peut être des reliquats ou des trucs comme ça, ou c'est ne serait-ce que te donner un petit peu d'action, te faire te souvenir que tu existes aussi en tant que joueur, joueuse pendant les, oui, pendant parce les phases que de dialogue. Ça peut être un moyen effectivement de simplement donner de du rythme en fait. Ouais, parce que fait, pour s'assurer que t'es pas en train de t'endormir sur ta manette, tu vois, pendant que les dialogues ils s'enchaînent. Alors, bon, c'est pas un jeu qui est. En termes de dialogue, c'est pas là où il est le plus lourd. Non, c'est plutôt dans les audiologues et tout, comme on l'a déjà dit. Mais bah voilà, il te donne cette possibilité. Ça te permet d'avoir en fait des petites réponses un peu cinglantes, parce que c'est vrai qu'au final, moi, je mettais souvent le petit cerveau parce que elle a quand même un esprit. Moi, qui suis très cynique, elle me plaît beaucoup pour aussi, ça à l'œil. Tu vois, elle va vraiment piquer là où ça fait mal. Elle va te renvoyer. Fin du game. Ah bah oui, non, oui, non, oui, non, on ça. Les cerveaux, c'est voilà. C'est pas le point. Je me souviens du moment où Avad, il essaye de la draguer, alors qu'en fait, bah, il avait une histoire avec une autre meuf, etc. Et comment elle le défonce, enfin tu vois vraiment elle le renvoie dans ses pénates en mode écoute garçon, tu arrives 10 ans trop tôt, tu sais, façon un peu à la japonaise dans les jeux de combat, tu viens 10 ans trop tôt. Bref, c'est assez marrant, c'est un personnage qui est du coup sympa à suivre, hein, parce qu'elle a justement cette personnalité qui est pas effacée, qui est vraiment en acier trempé, et ça en fait c'est tout con, mais il faut le rappeler, c'est quand même assez rare dans les triple A, surtout quand tu incarnes une femme. Exactement, ouais, tout à fait. Donc voilà, côté RPG, encore une fois, très, très light, l'open world qui marche bien, mais en fait, nous, ce qu'on a retenu comme étant la vraie force du jeu, bah, c'est les combats contre les robots dinos. Je pense que c'est là où tous la les dino trois... La dino bagarre. La dino bagarre, exactement, les animutants, c'est là où on s'est vraiment tous les trois accordés sur ce jeu. Et en fait, bah, moi, je le savais pas en y jouant, quand j'y ai joué en 2017, mais tout ce modèle-là, on en a parlé un peu, bah, il est vraiment inspiré de Monster Hunter, en fait. Ils sont vraiment allés, autant, je trouve, sur la partie open world, sur la partie RPG, bah, ils sont allés chercher dans les grands pontes, hein, les trucs qui dominaient vraiment les charts, mais par contre sur le côté gameplay, sur le côté combat, là ils sont allés chercher un peu plus dans des choses qui fonctionnaient déjà mais qui n'étaient pas non plus mainstream, parce qu'il faut quand même rappeler que bon, aujourd'hui Monster Hunter avec Monster Hunter World c'est 15 millions de ventes, donc c'est une grosse licence, c'est une plus grosse licence même que Horizon parce que c'est plus vendu, mais à l'époque où ça sort, bah, Monster Hunter c'est déjà des jeux qui sont surtout sur des consoles portables, alors ça a commencé sur PS2 mais après c'est surtout sur portable, et puis après bah c'est 5 millions de ventes au mieux pour les plus gros épisodes. Donc on n'est pas non plus sur des trucs stratosphériques comme l'étaient bah, les autres références que sont les Assassin's Creed, les Skyrim ou les Mass Effect. Et du coup, ils sont allés piocher là-bas et je trouve qu'ils sont vraiment bien démerdés avec ça. Et en plus, le truc, c'est qu'ils se sont retrouvés face à cette idée de... Bah... qu'est-ce qui va être notre modèle, parce qu'on le sent, tu vois, comme on l'a dit, en fait, quand ils ont commencé à regarder l'open world, on dit, bah, on va faire les benchmarks, on va regarder ce qu'ils se font, et qu'est-ce qu'il y a comme jeu dans lequel tu vas combattre des grosses bestioles, ouais. En fait, à l'époque, il n'y en a pas tant que ça, tu vois, t'as éventuellement Dragon's Dogma, mais bon, bah, ça reste aussi Capcom, donc on n'est pas non plus très éloigné, ouais. Et il y a surtout Monster Hunter, c'est vrai que c'est vraiment cette licence qui était niche encore à l'époque, et je trouve ça super malin qu'ils soient allés taper là-dedans, parce que ça permet, en fait, d'intégrer tout un ensemble de boucles de gameplay, de les lisser et de les passer à la moulinette guérilla et de nous donner un truc qui, ça je pense qu'on aura l'occasion de le redire, dans un AAA open world aujourd'hui, on n'a aucun jeu qui nous file des sensations similaires à Horizon. Parce que ben, Monster Hunter, le postulat, alors c'est pas du spoil, hein, l'idée c'est vous êtes un chasseur, une chasseuse, en général seul ou en coop, face à une grosse bestiole qui est très longue à tuer, ouais. Elle n'a pas de barre de vie, il va falloir comprendre comment elle fonctionne, bien observer ses patterns, il y a beaucoup de préparation, on va préparer des potions, on va avoir tout un tas de pièges, on va pouvoir bloquer le terrain, on peut un peu placer des mines, des tu vois, les fameux filets qui vont les bloquer pendant quelques secondes. Bref, c'est vraiment cette espèce de gameplay avec tout un tas de petites boucles qu'ils vont faire, et donc ils ont pris ça et ils ont essayé d'en faire un système qui est beaucoup plus orienté sur le côté dynamique action et le fameux éclatage de pièces pour les récupérer. Ouais. Bah, en fait, ils reprennent déjà, pour moi, la première grosse force de Monster Hunter, c'est un casting super cool, en fait, déjà de bestioles différentes, parce que ça, c'est vraiment le plaisir initial, en tout cas, moi, dans Monster Hunter World, quand je me suis lancé dedans. Alors, je suis vraiment un gros novice, hein, de la série, je fais partie des 10 millions d'autres personnes qui ont découvert la série avec cet épisode, mais vraiment, bah, à chaque fois quand tu découvres un nouveau monde, c'est ah ouais, trop bien, je rentre dans un truc, il a un design spécifique, il a ses patterns, et là vraiment Horizon, pareil, ils ont même un écran où t'as la petite collection de monstres au fur et à mesure que tu les découvres, ouais. Avec voilà, un Pokédex, exactement, et ça déjà je trouve que c'est vraiment un des premiers plaisirs du jeu, c'est de découvrir tous les robots. Moi c'est vraiment ce qui m'a drivé, bah, quasiment jusqu'au bout du jeu, et vraiment, bah, une fois que j'ai découvert le dernier bestiole, bah, j'étais un peu lassé, mais c'est vrai que rien que de toutes les combattre plusieurs fois, bah, ça c'est super cool parce que elles sont superbes, elles sont bien animées, elles ont vraiment toutes des patterns intéressants, et ça c'est vraiment un premier truc qu'ils ont su se réapproprier de Monster Hunter et en faire déjà une belle promesse de vente, parce que dans les trailers on avait vu quoi, on avait vu aller le T-Rex, bon ça c'était le gros truc, il y avait les Watchers, il y avait les cerfs, mais il y en a plein que j'ai découvert en jeu, les crocodiles, je savais pas qu'il allait avoir ça, les béliers, les crabes, enfin il y en a plein dans le jeu qui sont vraiment des surprises, et t'es trop content quand tu tombes sur un nouveau Pokémon, quoi. Étant donné qu'on a une mise en scène assez cool. Tu vois, les panthères, moi, je m'en souviens assez bien. Parce ouais. que, en tout cas, quand moi, je les ai rencontrées, elles étaient très fortes. Elles peuvent devenir invisibles, te balancer vraiment des attaques qui font super mal. Et il y a un moment dans un... Je crois que c'est un creuset où je sais plus vraiment, mais t'as des camps d'ennemis humains. Et à un moment, il y a juste une attaque de panthère, tu vois. Et du coup, toi, t'es dans les hautes herbes, tu te planques. Et en fait, t'as des ennemis qui se planquent aussi dans les hautes herbes parce qu'ils ont peur, en fait, ah ces panthères-là. Du coup, t'as quelques bonnes mises en scène. Ouais, ouais, c'est un creuset. C'est le seul où, justement, il n'y a plus le côté techno. En ouais. fait, c'est les humains ouais, c'est qui ont envahi, enfin, qui sont installés à cet endroit-là. Et ouais, quand tu te dis, c'est super simple parce que c'est des humains, donc tu peux passer vraiment assez facilement dans le côté infiltration. Et au retour, bah oui, ils t'ont mis tous ces leurs cœurs, là, les espèces d'ennemis invisibles. Qui te lâchent des mines sonores en plus. Oui, ça les alerte, ça les fait venir. Ils sont vraiment relous comme bestiole, effectivement. Ouais. Est-ce que ce serait pas le moment de dire à quel point le sound design du jeu il est incroyable? Je pense que c'est le moment. Donc le sound design de Horizon Zero Dawn est incroyable. Vraiment, moi je me souviendrai, je pense, presque toute ma vie de la première fois que j'ai jeté cette putain de flèche sonore et t'entends l'espèce de l'explosion et que tu vois la pièce comme ça qui vole. Il y a un plaisir de l'usage des choses les plus simples du jeu, les flèches, les tirs, les grenades, les frondes et surtout ces flèches sonores qui est incroyable. Et puis même les alertes des attaques, tu sais, qui bon parce que encore une fois, ça c'est la deuxième grosse force aussi vraiment, ce qui fait que Monster Hunter c'est trop cool à jouer, c'est que c'est du combat qui est animation driven, c'est-à-dire que c'est vraiment l'animation qui est la reine, et c'est ça en fait, tu dois repérer comment les bestioles se déplacent, comment elles vont annoncer leurs attaques. Ça aussi, c'est aussi l'école d'un petit jeu qui s'appelle Dark Souls, et que Serge connaît pas très bien, mais voilà, faut que tu y joues un jour. Ok, et ça vraiment, ils le reprennent, et ouais, il y a aussi toutes ces annonces d'attaques, les bruitages, t'as les et bim, tu vas recevoir un truc, et tu sais, elles ont toutes des sons particuliers, et en fait, quand tu combats, c'est une espèce de ballet comme ça, d'espèces d'opéra à la fois visuel de bestioles qui se tortillent, qui se tordent dans tous les sens et qui ont des mouvements très d'animaux, quoi. Tu vois, cette panthère, je pense que même les gros tigres à dents de sable, là, quand tu les croises, déjà, ils font mal. Et voilà, t'as tous ces sons en fait qui passent autour de toi entre tes flèches, tes machins. Et ouais, c'est et un puis vrai t'as le bruit spectacle. Du métal, tu sais. Je sais pas si vous vous souvenez, du coup, quand tu sors justement la mission avant le passage, les Nora ont un incroyable talent, tu sais, l'espèce de proving. Ouais. T'as la nuit avec Ross, tu dois tuer un ravageur pour la première fois. Ouais. C'est là que tu vas découvrir les pièges et tout. Et t'entends mission. Juste au début cette espèce d'énorme bruit mécanique, tu sais, façon transformant, où t'entends des tonnes d'acier qui sont en train de se déplacer. Et en permanence, tu vas sentir ça. Et alors, il joue au casque ou même sans le casque d'ailleurs, mais vraiment, à chaque fois que t'entends une bestiole et tu te dis, plus le bruit il est bas et plus il t'entend des basses, tu te dis, mais combien ça pèse ce truc là et tu vas devoir le défoncer avec ton petit arc, quoi. Il y a ce côté découverte, comme tu dis, c'est vraiment un grand moment du jeu. Et t'as ce moment sur la route de Meridian, je crois, t'as une espèce de gros T-Rex que t'as peut-être jamais vu, je sais plus. Moi je l'avais évité, tu vois, je l'avais contourné, je vais faire, c'est bon, pas le time, pas tout de suite pour lui, on verra plus tard. Et ce qui est fou, c'est que le T-Rex, c'est peut-être même pas le plus fifou, tu vois. C'est cool parce que c'est un peu la bestiole iconique, c'est le T-Rex, mais les sortes de taupes là qui passent sous la terre et qui te jettent des trucs, ça c'est ultra impressionnant. Ouais. Et les oiseaux tempêtes. Ouais, la première fois que tu croises ce truc-là, alors là, t'es là, mais qu'est-ce que c'est que ce bidule? En plus, il te bombarde. Enfin, tu sais, c'est un bombardier. Moi, j'étais en dessous dans la neige, je me battais contre lui. Tu sais, au début, je me dis, bon, bah, je suis chaud, j'ai quasiment battu toutes les bestioles, ça va bien se passer. Il m'a mis une latte, tu vois. Ils sont vraiment costauds. Et là où ils ont été super intelligents, je trouve, Guerilla, c'est qu'ils ont simplifié par rapport à Monster Hunter. Tu l'expliquais, il n'y a pas les barres de vie dans Monster Hunter. Ça, c'est vraiment un truc qui est déstabilisant quand tu commences à jouer au jeu, tu te dis, mais attends, quand c'est que je le bats, la bestiole? Et en fait, après, tu vois, les bestioles commencent à boiter parce que tu l'as mis trop cher. Et c'est comme ça, en fait, tu sais un petit peu quand c'est que tu vas pouvoir les battre. Mais là, c'est beaucoup plus simple, en fait. C'est-à-dire que non seulement tu as les barres de vie au-dessus, tu as le focus qui te permet de te donner plein d'informations sur ces parties faibles. Toutes les parties mécaniques, en fait, que tu vas pouvoir décrocher, hein, d'où le proto dont on parlait. Et je trouve que ça simplifie, et surtout ça t'encourage à jouer à la visée, parce que ça, contrairement à Monster Hunter où c'est quand même beaucoup des armes au corps à corps, là on est quand même dans un TPS entre guillemets, même si c'est de l'arc, et il faut beaucoup viser, et du coup ça donne une espèce de profondeur super intéressante à ces combats, c'est-à-dire que tu tires pas simplement dans un gros sac de PV, non, tu tires sur une espèce de bestiole mécanique qui a vraiment des emplacements précis que tu vas pouvoir affaiblir ou détruire avec telle ou telle arme. Moi je me souviens des espèces de cocatrix là, tu sais, qui gonflent leur pexus et qui balancent un truc, et elles, si tu leur fais justement vraiment une flèche sonique, je crois, juste à l'intérieur. Tu sais, ça fait pan, ça fait un espèce de gros éclatement ouais, comme ça. Ouais, parce qu'il y a plein d'air, donc ouais, ça explose. Et c'est trop cool à faire, quoi. Et justement, je trouve qu'ils ont été super intelligents de faire ça. Et tu vois, le T-Rex, c'est une espèce d'amoncellement de plein de petites. Il y en a partout. Enfin, c'est un Lego, le truc. Hein. Ça partait d'un Duplo, c'est vraiment un Lego à la fin. Et du coup, je trouve qu'ils ont vraiment réussi leur coup là-dessus. Et dans le Pokédex, tu peux voir, en fait, les ouais. différents points faibles et tu lis un petit peu ce qu'ils font et ils te le placent sur l'espèce de maquette, ils te disent où est le point faible. Et du coup, c'est des façons de redécouvrir un peu les combats aussi, puisque tu découvres un peu les dinos, les animations, les attaques, tu découvres les points faibles, et une fois que tu les re-rencontres, bah, tu peux dire, bah, cette fois, je vais viser ce point faible-là, parce qu'une fois, ça va péter avec de la glace, une fois, ça va péter avec du feu, une autre fois, ça va lui décrocher un truc, ou ça va le rendre plus sensible à tel genre de truc, et il y a vraiment ce renouvellement dans les combats. Ce qui est cool aussi, c'est que quand tu détruis une des armes, bah, ils s'adaptent, et ils ont d'autres ouais. patterns. Par exemple, les cocatrices, si tu leur enlèves ce truc-là de souffle, bah, après, elles vont te foncer dessus, parce que bah, elles ont plus cette partie pour t'attaquer, et ça, je trouve que c'était vraiment chouette aussi de rendre un peu des patterns dynamiques. Ça permet de renouveler le combat, de te surprendre en fait, même au sein d'un combat. Et quand t'es face à une grosse bestiole, bah il se passe plein de choses en fait. Hein. C'est un peu à la Monster Hunter, c'est des combats qui sont quand même assez longs. Parce que pour défoncer un T-Rex, bah ça va quand même prendre du temps. Alors ça en prendra de moins en moins parce que tu seras de plus en plus costaud. Mais je trouve qu'on retrouve, alors encore une fois, je le dis, je ne le savais pas en jouant Horizon, c'est après que j'ai compris en jouant Monster Hunter. Mais on retrouve ce côté, bah je prends l'ascendant sur cette espèce de bestiole qui me semblait bah, beaucoup trop fort pour moi, et au fur et à mesure tu vas prendre le dessus sur elle. Et tu vas tellement apprendre à la connaître qu'au bout d'un moment tu vas pouvoir jouer avec elle en fait, et c'est vraiment ça en fait le plaisir d'un Monster Hunter ou même d'un Horizon, ouais. c'est que comme tu le disais, bah, au bout d'un moment on comprend les sons, on comprend les amorces d'animation, donc on se dit bon bah là on va éviter la queue, on va sauter, on va pouvoir avoir le temps de passer entre ses pattes pour lui tirer une flèche dans le dos, en plus tu peux tirer pendant que t'es en train de glisser, tu peux ralentir le temps à chaque fois que tu sautes, il y a tous ces petits effets un peu héroïques qui sont fun, tu vois, ça rajoute juste du plaisir. Ils se sont dit, tu sais, c'est un truc un peu cinématographique, c'est kiffant, et bah faut qu'on le développe, faut qu'on le mette. Et là encore, d'ailleurs, sur Aloy, parce qu'on célèbre beaucoup les dinos, mais sur Aloy, ils ont fait un super taf, parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est des gens qui faisaient du FPS avant. Donc animer un personnage comme ça, que tu contrôles à la troisième personne, et le rendre aussi plaisant à jouer, à glisser, à faire tous ces trucs, enfin vraiment, toutes les mécaniques de traverser, elles sont super plaisantes à jouer. Ça, c'est un truc que toutes les références RPG compagnie, pour moi, ils se sont placés tranquillement sur le trône, tu vois. Enfin, je trouve ça bien plus agréable à jouer que The Witcher 3 sans souci, et je trouve que par rapport même à des Assassin's Creed de compagnie, c'est vachement plus agréable à jouer Horizon et Aloy, quoi. Bah c'est ça, ils ont voulu vraiment soigner ce game feel là pour qu'on ressente en fait le plaisir de jeu. Alors c'est un truc qui faisait déjà beaucoup, comme tu le disais, sur Killzone, avec le soin sur les animations, ouais. quand tu rechargeais les armes, quand tu faisais les coups au corps à corps, etc. Donc ils ont en fait cet ADN là, hein, je pense, tu vois, de vraiment de game feel, et ils ont poussé le truc mais vraiment à fond pour rendre le jeu intéressant. Et je pense que ça participe en fait à notre découverte de l'univers, parce que bah, à travers les combats contre les dinos, tu vas découvrir du coup tout cet univers, tu vas avoir envie d'aller plus loin, et c'est un peu l'espèce de pas de carotte, mais de comme tu disais, de fil rouge, tu vois, qui va driver ton envie de découvrir. Et c'est vrai que bah, ces combats-là, moi, ce qui m'a vraiment accroché, c'est qu'en plus, on peut les aborder de plein de manières différentes, parce que bah, on peut décrocher les parties, on l'a dit, mais c'est pas que ça. Tu vas pouvoir placer tes pièges en avance, tu vas pouvoir vraiment miner le terrain et le baliser complètement pour attirer les ennemis à un endroit et profiter de leur faiblesse. Tu peux même les fixer au sol. Ça, cette arme-là, j'ai oublié son nom, si c'est le tire-gable ou le lance-câble, enfin, un truc comme ça, tu sais, où tu tires une fois sur le monstre, ensuite et tu tires tu sur le sol, au sol et tu vas pouvoir accélérer l'animation. Ouais. Avec les runes, et au bout d'un moment ça fait vraiment comme ça, en quelques secondes tu vas planter des oiseaux qui sont relous en plus là, les espèces d'oiseaux, tu peux les planter dans le sol, c'est trop fun, enfin vraiment comme tu dis, t'as ce sentiment de puissance où tu as dominé la machine et tu as dominé le truc, ça ils arrivent bien à te le faire ressentir. Au tout début, le fameux moment où Rost te fait battre contre ton premier, je sais plus, Dansam, gros tigre. ils essaient de t'initier un petit peu au fait que tu puisses voir les patterns des ennemis. Alors ils en font un peu de l'infiltration au début, tu t'en serviras plus trop à part quelques moments éventuellement, et là ça te sert aussi à poser des câbles sur le chemin où il va passer. Pareil, c'est un truc dont tu te serviras plus trop, mais il y avait cette intention vraiment au début. Mais il y a quelques moments où tu t'en sers, moi typiquement, c'était avant d'aller dans un creuset, les fameuses panthères, à un moment il y en avait trois, j'étais pas assez fort pour ça. Là tu mines le truc complètement de cap partout, et tu vas juste, tu sais, tu vas siffler un peu ou tu vas activer une de leurs mines sonores, ils te courent dessus, ils s'éclatent complètement sur tout ce que t'as mis, c'est assez plaisant. Ou sinon, typiquement, à la fin des creusets, t'as toujours une phase où tu vas avoir le gros boss au milieu. Le jeu, il te dit, c'est bon, c'est à toi d'activer le truc, prends ton temps, je t'ai laissé quelques ressources, prépare-toi et la fight va commencer. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, mais quand il y en a, ça marche bien. Moi, je trouve bien aussi, c'est qu'ils savent faire des arènes chez Guerrilla. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qu'ils ont pu apprendre en faisant des FPS linéaires. Et il y a plein d'endroits dans le jeu, en fait, où ils ont associé une certaine topographie à une certaine bestiole. Et du coup, bah, ça crée un moment particulier. Je leur parlais pendant la préparation, ce moment où tu es sur une espèce de gros plateau, une espèce de falaise, en fait, et tu as trois gros pérodactyles là qui viennent t'embêter. Bah c'est un combat qui m'avait marqué parce que justement j'étais au-dessus du vide, j'avais pas le droit de m'enfuir entre guillemets, sinon je tombais. Et du coup bah c'était cool, ça créait des conditions intéressantes. Et pareil avec des crocodiles, pareil avec des tigres à dents de sabre, quand justement tu peux naviguer un peu entre des petits rochers, tu vois, tu vas pouvoir placer des pêches. Et ça, ils ont cette intelligence là d'avoir garni tout le monde ouvert de petites arènes comme ça qui sont uniques et qui donnent encore un nouvel intérêt à leur bestiole. Et ça, c'est toujours une belle marque de fabrique d'arriver à sublimer le travail que tu as fait sur tes créatures en leur donnant plus d'ampleur grâce à ton level design. Et du coup, ça devient vraiment la star un peu du jeu, vraiment, tu vois. Pour moi, dans Horizon, ce que tu retiens finalement, c'est ces bestioles-là, c'est ces combats dinos. Effectivement, l'univers, tu vas l'apprendre à travers ça, mais en termes de sensations manette en main, il se passe tellement un truc que tu ne ressens pas finalement dans d'autres jeux AAA. Moi, je me souviens, je vous en avais parlé pendant la préparation. Quand j'ai vu le trailer en 2015, moi, j'étais encore un peu dans ma phase Dark Souls, etc. Je voulais du gameplay quand même assez dynamique, assez engageant, dans lequel c'était moi qui allais m'investir en tant que joueur. Et à l'époque, on est plutôt dans les open world où les systèmes de combat, c'est du Batman Arkham ou c'est du Assassin's Creed, on est très dans du magnétique, les ennemis ils attendent les uns à la suite des autres pour t'attaquer. Là, c'est, tu le sentais dès le premier trailer, tu voyais dès le début que le direct, il n'en avait rien à cirer que de l'étiquette et du fair play, c'était là, tu es sur mon chemin, bouge-toi, tu vois, ouais, c'est vraiment ça, c'est meurs. Donc, et ça, c'était très cool parce que tu disais, il n'y a pas de lock, forcément, c'est un jeu où on ne fait que viser, donc ça ne sert à rien de bloquer la caméra, mais tu dois toujours être conscient de la position des ennemis, tu vas bien les entendre, et c'est toi qui va jouer. C'est vraiment, comme tu disais, c'est animation driven. C'est pas les stats, c'est pas forcément les objets. Si tu joues bien, a priori, tu vas pouvoir t'en sortir. Ça va être plus long, forcément, parce que tu feras moins de dégâts qu'avec une flèche. Mais tu vas pas être capé par cet homme est au niveau 33, toi tu es au niveau 30, malheureusement, tu vas te massacrer. Désolé. Ouais, mais tu vois, tu dis ça en rigolant, mais c'est le cas dans The Witcher. The Witcher, si t'as 5 niveaux d'écart, l'ennemi il a un buff et toi t'as un malus qui est énorme où tu ne pourras jamais le tuer, tu ne gagneras pas d'XP si tu y arrives et ça ne sert à rien d'insister. Exactement. Et puis le simple fait de viser. Enfin, tu vois, c'est vraiment tout con, hein, mais effectivement, ça change complètement des combats que tu peux avoir. Moi, je déteste le système de combat de tout ce qui est Batman Arkham et tout. Enfin, c'est un jeu de rythme, tu vois. Bon, on pourrait dire ça de plein d'autres jeux, hein, si on simplifie à l'extrême. Mais le simple fait de viser, de devoir te déplacer, de choisir de glisser, de sauter à ce moment-là, de ralentir ta caméra, le temps là, te faire des roulades, hein, typiquement, te fait des roulades aussi dans Horizon, de choisir quand te soigner aussi. Ça, c'est aussi. Enfin, il y a un soin. On n'est pas sur un modèle où la vie. Alors, je crois qu'elle peut-être se régénérer un petit peu, une petite partie. C'est possible. Non, c'est le dernier tiers. C'est que tu accumules de la bouffe qui va soigner petit à petit, mais c'est quand même à toi de la déclencher. Mais il y a quand même des potions, hein, on est d'accord, il y a un petit truc comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un système de combat effectivement qui revient à d'autres jeux. Encore une fois, Monster Hunter, il y a des potions, hein, le moment où tu prends ta potion dans Monster Hunter, ça, c'est un truc que tu mets longtemps à apprendre. Ne pas prendre ta potion quand l'ennemi te regarde comme ça, parce que sinon il va te mettre un gros coup de queue. Et c'est vrai que voilà, on retrouve ce feeling là. Ils ont fait ce choix là et je trouve que à la fois c'est vraiment intelligent d'être allé chercher chez Monster Hunter. Et du coup, ça leur donne une identité très forte, manette en main. Elle est là, la plus grosse identité. Alors, en plus de l'univers, hein, comme on a dit, les dinos, tout ça, mais c'est vrai que comme on l'a vu, le côté open world, il est réussi, mais selon les carcans qu'on connaît déjà. Hein, si t'en as marre de l'open world, c'est pas Horizon qui va te sauver, réconcilier avec le genre, hein, clairement. Ou, comme on disait, l'aspect RPG, il est light, mais il est très fonctionnel, en fait. Mais ce qui va le plus servir, c'est le côté action RPG. C'est ça qui nous plaît le plus. Et finalement, c'est ces combats-là qu'on va surtout retenir. Et dans le 2, t'as envie de quoi? T'as envie d'avoir un nouveau Pokédex. Tu passes de Kanto à Johto, t'as envie de découvrir les nouveaux Pokémon. Et dans le trailer, il y a cette espèce de grosse tortue qui est sortie de l'eau. Là, je l'ai regardé hier. Évidemment. Il y a l'espèce de facochère, on voit des sortes de mammouths aussi à un moment. Ouais. Enfin, on devine qu'il va y avoir, qu'en fait, la découverte de ces nouvelles bestioles, c'est ça qui va rendre le truc cool, en fait. Exactement. Ça va être. Ouais, et puis bon, je pense qu'ils vont peut-être encore plus pouvoir s'amuser sur les biomes et sur les interactions, justement, entre ces différentes bestioles. Ça, c'est vrai que. C'est quelque chose qui promettait, je pense, un peu au début, dans les premiers trailers où on voyait des bestioles qui allaient se rencontrer. Et encore une fois, coucou Monster Hunter, ça dans le world, on voit l'Anjanath qui va bouffer l'autre et compagnie. Là, c'est vrai que Peut-être que dans le prochain, ils vont pouvoir s'éclater peut-être encore un peu plus maintenant que leur univers est installé, s'éclater encore plus sur les différents biomes, les différentes ambiances et créer des bestioles qui sont très spécifiques à certains environnements. Et ça va être trop cool de découvrir tout ça. C'est vrai que c'est peut-être un aspect sur lequel j'étais pas déçu parce que c'est pas le mot que j'emploierais, mais sur lequel je me dis, ah, il y a encore énormément à faire là-dessus. Parce qu'effectivement, le tout premier trailer, si vous le re-regardez, moi j'avais vraiment un côté Jurassic Park où tu voyais le T-Rex qui faisait sa vie, il était en train de brouter, il y avait des petits herbivores à côté. Non, mais il était en train de manger son truc, tu vois. Et il y avait les herbivores qui faisaient leur vie de leur côté. Mmh. Et tu sentais en fait qu'il y avait une espèce de, bah, de chaîne alimentaire qui se créait. Ouais. Et toi, t'allais arriver au milieu de ça et foutre un peu la merde. Et en fait, dans le jeu final, bah, ce qui se passe, c'est que bah, c'est de manière beaucoup plus tu vois, segmentée, comme on individuel, a déjà dit dans le Converge. Je suis face voilà. à ta vie. Alors parfois, il y a une zone où il y en a compte. Quelques-uns voilà. qui sont mélangés, mais ils interagissent pas entre eux. C'est-à-dire qu'ils vont pas se bouffer entre eux ni quoi. Bon, on le sait grâce à l'histoire, c'est parce qu'en fait, ils sont censés tous travailler ensemble, certes. Mais. L'idée de se dire j'aurais pu imaginer un monde un peu plus vivant où c'est pas juste quelqu'un qui est cantonné à ce petit district, là il y a les ravageurs, là il y a les watchers, là il y a les machins, ça apporterait je pense encore plus de vie à cet univers, et je me dis s'ils arrivent à aller vers ça pour la suite, ça peut donner quelque chose de vraiment incroyable. Bah en tout cas d'un point de vue scénario histoire, ça risque d'être un peu compliqué. Ils vont devoir aussi pas mal se renouveler, puisque là un des plaisirs c'était le côté archéologique, comprendre ce qui s'est passé. Bon bah là on a compris, c'est pas dit qu'il y a pas des enjeux de l'époque qui vont se retrouver encore aujourd'hui. C'est à mon avis, mais ça me semble. Mais bon, déjà, ça va être quand même un vrai challenge. Et puis, il y a aussi bah, toute la thématique. Il y avait quand même l'histoire d'Aloy qui est un peu une quête identitaire, tu vois, où elle croit qu'Elisabeth Sobeck, c'est sa mère, parce qu'elle ne sait pas d'où elle vient, qui elle est et tout. Tu découvres que finalement. Il n'y a pas appris le clonage à l'école. Bah non. Et du coup, bah, elle apprend que finalement c'est un clone, mais elle a toujours une relation assez particulière à Elisabeth, à cette scène où elle retrouve le corps d'Elisabeth Sobeck qui était retournée à sa maison d'enfance ou quoi. Enfin, t'avais un petit peu cette thématique de l'identité, de la maternité, bref. Bon, ça, forcément, ça, a priori, ça n'y sera plus. Donc, je sais pas vraiment ce qu'ils vont raconter. Ils vont pouvoir raconter une nouvelle parcelle de ce personnage, tu vois, comme l'ont fait par exemple Naughty Dog avec Ellie et compagnie, tu vois, où ils racontent un autre moment de sa vie. Voilà, je pense qu'ils peuvent se permettre de faire des choses. Ils ont un personnage qui est fort, donc encore une fois la faire confronter à d'autres problématiques, bah ça lui permettra d'évoluer différemment. Encore une fois, moi je trouve qu'ils ont une bonne base, et puis voilà, vraiment moi je suis chaud pour le deuxième Pokédex, découvrir les autres bestioles, ça va. Moi je veux savoir s'il y aura de l'escalade, voilà. C'est vrai on en parlait, peut-être plus de liberté, peut-être plus de vie dans les univers, des combats contre les humains qui seraient revus aussi, parce que c'est vrai que autant c'est cool contre les dinos, autant les humains, bah, vu la taille d'un être humain, à part lui tirer dans la tête parce que c'est son point faible, on fait pas grand chose. Puis il y a des problèmes de comportement. Ils ont pas fouillé ça, tu vois. Typiquement dans les camps d'ennemis, parfois t'as genre, je sais pas, 10 ennemis, ils ont le même comportement à l'instant T. Tu sais, ils sont en mode alerte un peu et ils ont la même animation, même moment où ils regardent un peu, je sais pas, au-dessus des herbes ou quoi, ils essaient de voir s'il y a pas quelqu'un comme à la porte. C'était une espèce de casting, tu sais, en une forêt. Tu les vois avec le focus, ils font la même action, donc ils ont pas encore vraiment bossé ce truc. Donc est-ce qu'ils bosseront plus ça, ou est-ce qu'ils les mettront un peu en retrait, bah typiquement en les mettant à dos de mammouth ou je sais pas trop, pour mixer un peu des humains. Les mammouths à la fin, mais oui, le truc Seigneur des Anneaux, c'est l'inspiration, c'est vrai, effectivement. Bah ça donne envie en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que tu te dis bah ah tiens, même si ça va être des animaux qu'on connaît déjà, comment ils vont pouvoir les mélanger, qu'est-ce que ça va être, les petits twists à droite à gauche. Moi c'est juste le fait qu'on puisse aller nager sous l'eau, ça va être le petit truc cool, on va avoir des temples de l'eau version Horizon, donc pourquoi pas. Mais effectivement l'escalade, c'est vrai qu'on en avait parlé à un moment donné, c'est un truc qui est très limitant. Si on peut, alors je sais pas, est-ce que le trailer du 2, quand on la voit qui escalade une montagne, on voit pas de prise jaune, est-ce que c'est juste pour la vidéo, est-ce que c'est un truc qui nous laisse peut-être deviner que ça va être un peu plus libre, j'aimerais bien, parce que c'est vrai que bon, bah, Zelda est passé par là depuis, on s'en est rendu compte, avoir cette liberté d'exploration, ça fait beaucoup. Assassin's Creed aussi, hein, tu peux quand même bien escalader, ça apporte. Ça fait un bout de temps, maintenant qu'Assassin's Creed, ils sont libres là-dessus, ils ont beaucoup travaillé leur souplesse, et même quand c'est de la nature, avec Origin et Odyssey, où bon, bah, tu vas pas escalader des murs. On imagine que chez Guerrilla, ils doivent avoir envie, de toute façon, de faire ce genre de choses, de s'orienter là-dessus, parce que évidemment, c'est un peu la next step quand même pour les open world. C'est ça, comme on le disait, ils viennent d'apprendre à faire de l'open world, ils viennent d'apprendre à faire des quêtes annexes principales, avoir une liberté de progression, donner de l'agency beaucoup aux joueurs et tout. Donc c'est vrai que la prochaine étape, ça va être de repenser peut-être un peu le level design en disant bon, on va leur donner encore plus de liberté, mais aussi dans les déplacements. Tout à fait. Et puis voilà, le 2 qui sort, qui va vraiment porter la PlayStation 5. Hein. Et je trouve que c'est quand même un beau parcours quand même pour Guerrilla. Tu vois, ils ont réussi à ce changement, mais en plus, ils ont tellement bien confirmé l'essai. Ils ont pu devenir vraiment une vraie figure de proue pour Sony et s'imposer aux côtés de Naughty Dog, de Santa Monica, comme étant vraiment... Bah, en fait, c'est fou quand même, tu vois, qu'il y a bientôt 10 ans, il y a Santa Monica qui leur disent « Ouais, non, faites pas ça, ça sera compliqué. » Ils ont dit « Bah non, on va quand même le faire, on va y arriver. » Et ils y sont arrivés. Le jeu, voilà, il est extrêmement populaire, il est réussi. Et c'est chouette, je trouve que c'est une belle histoire pour le studio. Je suis content pour eux qu'ils aient plus à se farcir des mecs avec des casques et des yeux rouges. Et ça prouve quand même qu'encore une fois, bah voilà, quand il y a des grosses équipes qu'on investit derrière, on peut changer de projet, on peut changer de formule et arriver à faire quelque chose d'intéressant. Et surtout, je crois, alors je vais pas trop m'avancer, mais dans des conditions de travail en plus qui sont assez propres hein, par rapport à ce qu'on entend par d'autres histoires, ils essaient quand même de limiter le crunch, les trucs comme ça. Ils essaient de faire beaucoup d'efforts là-dessus, en tout cas chez Guerrilla. Donc ça aussi, c'est chouette à souligner. De leur part. En tout cas, en Hollande, peut-être. Ouais, après, sous-traitance, on ne sait pas trop. Oui, bien sûr, pour la sous-traitance, mais c'est vrai que voilà, dans ces pays-là, c'est en général, ils sont un peu hardcore quand même sur le droit du travail, donc on ne peut pas faire n'importe quoi comme on peut le faire un peu ailleurs. Et ce qui est assez fou à noter, c'est que du coup, ben, ils ont réussi cette transformation et ils ont pris, comme tu le dis, une place vraiment, tu vois, sur les joyaux de la couronne de Sony. Ouais, c'est vraiment une licence forte. C'est Horizon, le premier jeu first party qui sort sur PC. Alors, c'est vrai que moi, il y a eu cette histoire, tu vois, sortir un jeu Sony et tu le lances et en fait, tu es sur ton ordi, ben, c'est une petite révolution. En soi, c'est pas. Voilà, on avait déjà eu effectivement Death Stranding qui était à moitié une exclue. Ouais, on avait déjà vu des jeux comme Final Fantasy arriver sur d'autres supports et tout. Il y a eu de journée, les jeux Quantic Dream aussi, mais c'est que des cas particulier. C'est le premier jeu vraiment. C'était dans des cas de séparation de studio. Voilà, vois, c'est exactement. Il y avait des histoires derrière. Là, c'est vraiment un jeu. Le studio est toujours en train de travailler. C'est toujours un jeu Sony. Voilà, ouais. C'est toujours un jeu Sony. C'est Sony qui édite sur PC. Donc, effectivement, c'est quand même vraiment une exception. Bon, moi, je le vois vraiment comme une stratégie pour communiquer, pour faire du gringue aux joueurs PC, pour leur dire vous avez vu cette licence. Bah, franchement, ça vaudra le coup de la prendre sur PS5 quand elle va sortir. Il faudra peut-être pas attendre 2-3 ans, tu vois. C'est du gringue, hein, enfin, tout simplement. Et puis aussi une manière de rentrer un peu d'argent au passage. Quoi. Et puis de démontrer aussi, je pense, le pouvoir de leur moteur, parce que aussi, hein, Guerrilla, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vraiment des techos, hein, leur moteur qui a servi aussi pour Death Stranding. Je sais qu'il y a un autre jeu qui s'en est servi, mais j'ai oublié son nom, tant pis, c'est pas grave. Mais bref, je sais qu'ils partagent beaucoup leur techno, donc ils sont aussi connus pour ça. Ils ont aussi cette place-là maintenant au sein de Sony comme faiseur d'outils. Même si, en fait. Pour nuancer, le lancement PC a été assez chaotique, ça a pris plusieurs semaines à se stabiliser. Par contre, ben, maintenant, si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous hésitiez, le jeu sur PC, il tourne vraiment, ça c'est bon. Ils ont corrigé l'essentiel des soucis qu'il pouvait y avoir de compatibilité avec les processeurs, les machins, les bidules. Mais par contre, voilà, si vous voulez jouer à une version du jeu, parce que moi, ce que je me souviens, c'est que quand le jeu il avait été mis en avant avec le DLC, c'était pour la sortie de la PS4 Pro. Donc, on pouvait jouer avec le HDR, vrai, avec la 4K, vrai. Avec machin, bidule. Là, sur PC, c'est vraiment, si vous voulez profiter de tous les effets à base de HDR, machin, bidule, vous pouvez, si vous avez une grosse bécane, vous pourrez profiter du jeu dans des conditions vraiment très, très cool. Quoi. Et sinon, sur PS4 Pro, ça tourne aussi tout à fait. Enfin, voilà, c'est quand même des gens qui savent bien exploiter la puissance de la console, et on imagine que ce sera la même chose pour la PS5. Donc voilà, Horizon, ça y est, c'est fait, je crois qu'on a fait le tour. Content d'en parler, c'est cool. Toi, t'as pu le découvrir pour le podcast. Ouais, c'est un de mes highlights de l'année 2020. Hein, tu vois, je remets ça évidemment dans son contexte de on était confinés, voilà. On pouvait pas sortir, et là, d'un coup, j'avais le droit à jouer un jeu avec des robots dinos, de la nature, et même après la fin du monde, il se passe quand même des trucs cool. Parce que je pense que ça jouait beaucoup, tu vois. Benoît, il y a de l'espoir dans 600, 700 ans quand on. Non, mais c'était quand même une période assez anxiogène, forcément, le confinement. Tout le monde l'a. Moi, j'ai du bol, entre guillemets, parce que mon boulot c'était déjà de travailler chez moi, donc ça m'a pas fondamentalement changé les choses, mais ne pas sortir, c'est quand même un truc qui est bloquant. Et là, d'un coup, d'avoir ce jeu, tu vois, de cette espèce de petite bulle de liberté dans laquelle c'est fun, il y a un nouvel univers à découvrir, ça a été vraiment quelques semaines de d'air frais dans mon année 2020, et finalement ça fait partie des jeux que je vais retenir le plus, alors qu'il est sorti il y a plusieurs années. Je vais pouvoir profiter de la sortie PC pour dire que ça va être un de mes gotis, mais voilà, de revenir dessus plusieurs années après, ça a été une bonne surprise, et ça m'a montré en fait aussi ce plaisir que je peux ressentir dans les open world que j'avais perdu, et de me dire oui, en fait, cette sensation de liberté, quand les conditions, tu vois, les étoiles s'alignent et qu'il y a le Covid et tout, en fait j'ai besoin de ça, et de temps en temps c'est agréable de faire ça, et j'ai retrouvé ça plus tard avec Tsushima ou autre, on en parlera peut-être un jour, mais là vraiment Horizon il a vraiment pour moi été une sorte de changement. Je me suis dit ok, cette formule à la Assassin's Creed, je peux l'apprécier dans certaines conditions, et je peux prendre mon pied parce que bah il y a le gameplay derrière qui justement sert de fondation à tout ça. Très bien, on se donne rendez-vous pour un autre épisode, normalement dans le mois, si tout se passe bien. Mm-hmm. On remercie également Sœur d'édition qui nous sponsorise. On rappelle le livre Voyager au Japon du pixel au réel. Il y a aussi les sorties hein, autour de Yakuza. Encore une fois, je vous renvoie vraiment sur le Twitter de Sœur d'édition. Ils ont annoncé énormément de choses. Il y a même, je crois, un Final Fantasy 9 qui sort en anglais. Hein, ouais, il y a une nouvelle campagne Kickstarter voilà. For the people sorties. You know, listening. To find a game all around the world, that's for you guys. Thank you. Give us the money on Patreon. N'oubliez pas le Patreon. Soutenez-nous sur Patreon pour qu'on puisse continuer à faire l'émission. Prochain jeu qui sera un beaucoup plus petit jeu. Et puis après, c'est le rouleau compresseur fin du game jusqu'à la, ouais, fin, de l'année. La fin d'année. On s'est Je dit, peux vous prévenir qu'il y a du très très lourd qui arrive. Merci encore une fois de nous écouter. À bientôt. Ciao.